l'information qui influence la journée. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Au 106.9 Mauricie, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Voici Raphaël Pepin. Bon midi tout le monde, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin qui vous accompagne jusqu'à 14h pour cette dernière émission spéciale des meilleurs moments du 106.9 et toujours aussi bien accompagné Claude Boucher aux actualités Cogeco Nouvelles. Salut Raphaël. Salut Claude et Mathieu Plante à la réalisation de l'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Claude, on va tout de suite commencer avec un petit bulletin de nouvelles parce qu'il y a des nouvelles économiques qui retiennent l'attention en Mauricie et au centre du Québec. Ça commence quand même, Raphaël, par de bonnes nouvelles parce que le taux de chômage est demeuré stable en Mauricie selon les données compilées par Statistique Canada en décembre dernier, tout comme au mois de novembre, le taux est de 4,3%. Comparativement à il y a un an, c'est une baisse de 0,4 points. La région a aussi gagné près de 5 000 emplois depuis un an. Le taux de chômage reste bas aussi à Trois-Rivières à 5,3%. Dans le centre du Québec, le taux de chômage a augmenté de 0,6% pour se situer à 4,9%. Sur la scène nationale, la CSN a fait le point ce matin sur ses priorités pour 2019. La centrale syndicale entend notamment poursuivre sa lutte pour obtenir un salaire minimum à 15 $ l'heure. Le président de la CSN, Jacques Létourneau. Si on veut attirer de la main-d'œuvre de qualité dans les entreprises au Québec, bien, il faut rehausser le salaire minimum à 15 $. Et ça, malheureusement, il y a encore près de 800 000 travailleuses et travailleurs qui travaillent en dessous du 15 $. La centrale sera aussi attentive aux questions liées à la pénurie de main-d'œuvre et à l'emploi en général avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Québec. Cogeco Nouvelles a appris qu'un nombre record de détenus suivent un programme de désintoxication au pénitencier de Donnacona pour une dépendance aux opioïdes. Vincent Franche-Lombard, l'établissement a d'ailleurs été confronté à plusieurs cas d'intoxication ces derniers mois. En effet, 13 cas d'intoxication ont été rapportés en 2018, dont 9 seulement au cours du mois de septembre. Environ 15 % des détenus ont un problème de consommation et sont inscrits au programme de désintoxication, soit 40 détenus sur 290. On peut écouter Stéphane Jaillet, qui est directeur adjoint des services de gestion au pénitencier de Donnacona. C'est un nombre très élevé, plus élevé qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières années. Donc, on reçoit des individus qui ont déjà un problème de toxicomanie à la base et qui vont prendre à l'intérieur des murs des risques pour continuer d'en utiliser. Lors d'un congrès international, deux agents du pénitencier de Donnacona se sont d'ailleurs vus remettre un prix pour rendement exceptionnel pour avoir sauvé 13 détenus de surdose au fentanyl principalement. Par ailleurs, seulement au cours de la dernière année, les paramédics d'urgence santé ont été appelés à intervenir sur 164 cas de surdose de drogue et on estime qu'environ la moitié est liée aux opioïdes. Merci beaucoup, Vincent. Franche-Lombard. La police de Trois-Rivières recherche une jeune fille de 15 ans qui aurait fait une fugue de son domicile. Liane Patry aurait quitté son domicile le 15 décembre dernier après une chicane avec des membres de sa famille. Elle n'en serait pas à sa première fugue. Les policiers ont de bonnes raisons de croire qu'elle pourrait se trouver toujours à Trois-Rivières, mais aussi peut-être dans le secteur de Granby. Liane Patry mesure 5 pieds 4 pouces et pèse environ 140 livres. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Elle a un piercing à la lèvre inférieure côté droit. Elle portait un pantalon avec la fourche au genou, un chandail type kangourou turquoise mauve et blanc et une casquette de style yo de couleur noire. Vous pouvez d'ailleurs voir deux photos de la jeune fille en question sur l'FM 106.9.ca et vous pouvez fournir des informations confidentielles à la police de Trois-Rivières au 819-691-2929 poste 6. La Société des traversiers du Québec recherche activement un navire alloué pour assurer éventuellement le lien fluvial entre Matane et la Côte-Nord. Le navire du groupe CTMA, le vacancier, doit remplacer le traversier F.A. Gauthier mardi. Il devra toutefois repartir pour Cap-aux-Meules à la fin du mois. Le F.A. Gauthier, qui éprouve de graves problèmes à ses propulseurs, entrera lui aussi en cale sèche au chantier Davy à Lévis le 14 janvier, mais selon la STQ, il est probable qu'il ne soit pas prêt à temps pour février. Sport atteint à la main gauche par un tir hier, l'attaquant Brendan Gallagher a raté l'entraînement du Canadien, profitant plutôt d'une journée de traitement. Gallagher s'était blessé à mi-chemin en première période lors de la victoire de 2-0 du Canadien contre Vancouver hier. Il avait immédiatement pris la direction du vestiaire, mais était revenu au jeu avant la fin de la période. Le Canadien va recevoir demain soir les Prédateurs de Nashville. Et demain, d'ailleurs, Raphaël, on aura un programme double de hockey sur nos ondes. À compter de 15h45, les Cataractes reçoivent les puissants voltigeurs de Drummondville. Et ce sera suivi du match canadien-Nashville en direct du Centre Bell. Et samedi après-midi, les Cataractes seront à Boisbriand pour y affronter l'Armada à compter de 14h45 sur nos ondes. Alors, tu ne chômeras pas, Claude? Non, pas trop de repos en fin de semaine, toi non plus, parce que tu fais brillamment, d'ailleurs, la mise en onde du hockey des Cataractes. C'est gentil. Je sais que tu es un amateur de showbiz américain, entre autres, et tu avais parlé d'une nouvelle, il y a de cela quelques semaines, concernant l'humoriste Kevin Hart, qui avait été choisi pour animer la prochaine édition du Gala des Oscars. Il s'était retiré quelques jours après sa nomination parce qu'il y avait des vieux tweets homophobes qu'il avait fait il y a de cela, quoi, une dizaine d'années qui sont ressorties. Exact. Ben, figure-toi donc, ça se pourrait qu'il revienne. Ah oui? Ouais, parce que là, il a annoncé qu'il reconsidérerait alors sa décision de se retirer du rôle d'animateur des Oscars parce qu'il n'y a pas longtemps, il a donné une entrevue à Ellen DeGeneres qui, elle, ouvertement, est homosexuelle. Mm-hmm. Alors, dans cette entrevue, l'animatrice a exhorté Kevin Hart à reconsidérer sa décision, lui faisant valoir qu'il s'était excusé pour ses remarques et qu'il avait changé. Les Oscars qui n'ont toujours pas nommé de remplaçant à Kevin Hart. Mais je pense qu'on pousse ça un petit peu trop loin. Aller chercher des tweets d'il y a 10 ans. C'est comme si, par exemple, tu voulais animer un gala ici en Mauricie, centre du Québec. On allait retrouver une publication que tu avais faite sur ton Facebook il y a 10 ans. En fait, ça prouve deux choses. Premièrement, les gens vont aller chercher pour déterrer des choses qui sont négatives sur toi. Et deuxièmement, ben, écris pas n'importe quoi sur tes plateformes, autant sur Facebook, Twitter, Instagram, parce que tu peux te faire avoir même 10, 15 ans plus tard. Oui, tout à fait. Puis écoute, toi, t'es trop jeune pour te rappeler ça, mais les auditeurs qui ont mon âge et un peu plus se rappelleront. Dans les années 90, je pense, Jean-Louis Roux, comédien qui avait été nommé lieutenant-gouverneur général du Québec, qui est un poste prestigieux quand même. Et puis, il y a quelqu'un qui avait ressorti des vieilles photos où il portait un uniforme et sur son uniforme, il y avait une croix nazie. Ah. Et évidemment, ça ne veut pas très, très bien passer. Et M. Roux, qui avait dû dire, ben, finalement, je ne prendrai pas le poste de lieutenant-gouverneur à cause de ça. Oui. Tu sais, ça, c'est avant les réseaux sociaux. Là. Puis ça avait fait scandale pas mal à l'époque. Là. J'ai hâte de voir si Kevin Hart va reprendre justement son rôle d'animateur des Oscars. Ben écoute, mais on ne sait pas c'est quoi les tweets. Attends, moi, je ne les ai pas vus passer. C'était quoi qui était écrit dans ces tweets homophobes-là? Moi non plus, je n'ai pas lu les tweets. Je sais que c'était à saveur homophobe, mais évidemment, il faudrait lire les tweets pour voir ce qui en ressort. Tant qu'à ça, les gars d'RBO sont aussi bien d'oublier de se lancer en politique parce qu'il y a des vieux sketchs qui vont ressortir. Oui, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Claude Boucher, pour les actualités. Hey, bon week-end. Nouvelles. Merci beaucoup à toi aussi, parce qu'on te retrouve seulement pour le hockey des Cataractes. Ça se passe demain et dimanche. Et voilà. Voilà. Alors, on parle un petit peu de météo pour aujourd'hui, ce qui se passe du côté de Trois-Rivières. Nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, un maximum de plus 3 ce soir et cette nuit. Généralement nuageux avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, refroidissement éolien près de moins 7. Samedi, généralement nuageux avec un maximum de plus 1 dans la nuit. Nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, minimum moins 5. Et pour ce qui est de dimanche, nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, maximum moins 6. Dégagé pour la nuit avec un minimum de moins 15. Présentement, à Trois-Rivières, il fait 1. Du côté de Shawinigan, il fait 0. Et du côté de Bécancour et la Rive-Sud, il fait 1. Alors, on va entamer, Mathieu. C'est le moment. C'est le moment. Première entrevue pour aujourd'hui. Et on commence fort avec Mme Denise Bombardier. Alors, je vous le rappelle, c'est la dernière émission des meilleurs moments. Et ça consiste aux meilleurs moments de Que la Mauricie se lève avec Catherine Gaudreau et également de Midi Plus avec Robert Pilote. Et Catherine avait eu la chance de parler avec Denise Bombardier. Denise Bombardier, bon, c'est une des plus grandes communicatrices au Québec. Elle accumule depuis plusieurs années l'expérience en tant qu'auteur, journaliste et animatrice. Et en octobre dernier, elle lançait sa biographie intitulée Une vie sans peur et sans regret. Dans le livre, elle raconte son parcours. Elle commence par son enfance jusqu'à son ascension dans le domaine du journalisme et des communications. Et Catherine avait eu la chance de s'entretenir avec elle le 26 octobre dernier, quelques jours après la sortie de son livre. Notre prochaine invitée, elle nous présente cette autobiographie, Une vie sans peur et sans regret. Denise Bombardier est avec nous. Bonjour, Mme Bombardier. J'adore le titre de votre émission. Oui. Parce que moi aussi, je fais partie de la Mauricie, mais la Haute-Mauricie, puisque moi, j'ai un camp à côté du barrage du Rapide-Blanc. Ah oui? J'ai un camp de pêche. Ah ben là, okay, vous m'apprenez ça ce matin. Fait que, okay, fait que vous êtes... vous l'apprends. Ben vous êtes une Mauricienne d'une certaine façon. oui. Oui, dans un lac où je rencontre des dorés. Ah ben là, c'est le meilleur poisson. Et ce sont mes fans parce qu'ils mordent. Évidemment, je m'attendais à rien de moins. Madame voilà, Bombardier, comme ça. Ouais, dans cette biographie, Une vie sans peur et sans regret, c'est entre autres, ben, c'est votre histoire, également l'histoire du Québec. Il y a une phrase qui m'est restée en tête, parce que bon, vous revenez sur votre passé, évidemment, votre enfance, le fait d'avoir un père qui était très autoritaire, vous revenez, bon, vous parlez de votre mère également. Vous avez dit, j'ai été élevée dans une violence verbale qui, normalement, casse les enfants. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas été cassée? Je ne sais pas. Et c'est ça le mystère de ma vie. Comment il se fait que moi, petite fille, d'abord, je n'avais pas un père autoritaire. J'avais un père qui était un fou, okay, qui était un vrai malade mental, je crois. Mmh. Et au fond, la maison, c'était l'asile. Je veux dire, on vivait, dès qu'il était dans la maison, quand il partait, la pression tombait et c'était un homme qui vivait dans une angoisse permanente, qui descendait tous les seuils du ciel, qui me traitait de tous les noms, et qui ne m'a jamais prénommé, mais il n'a jamais prénommé mon frère et ma soeur non plus, il n'a jamais prénommé ma mère, moi j'ai jamais entendu mon père dire Simone, il disait « Hey ». Quand il parlait. Donc, c'est un personnage absolument, il faudrait que, je veux dire, c'est un personnage de roman et de roman noir. Bon. Mm-hmm. Et ben, ça a été ma vie. Et comment il se fait que même petite fille, je me disais, il faut que je trouve un mari pour ma mère. Quand je marchais dans les rues. Ah ouais? Et que je voyais un monsieur qui avait l'air bien, qui avait l'air gentil, j'avais 8 ans. Et 8 ans dans le Québec catholique où il n'était pas question de divorce, hein, à l'époque, on vivait dans la catholicité totale. Là. Ouais. Et comment il se fait, je ne sais pas. Vous savez, je crois que, vous savez, ça s'appelle la résilience. Ouais. Je crois que, il y a une chose, c'est que j'ai toujours su que la famille dans laquelle je vivais, c'était pas une famille normale. Okay. Je pensais pas que tout le monde vivait comme nous. Ok, c'est ça, vous n'étiez pas dans le déni. On était les seuls à vivre ça. Et d'une certaine façon, ce type de violence verbale, qui est de la maladie mentale, quoi. Ouais. C'était effectivement. Et je m'en suis sortie. Ouais. Mais ça explique pourquoi je suis si combative. Ça explique pourquoi j'ai pas peur. Je me souviens l'an dernier, j'ai fait une émission à TVA, la Grande Nature. Bonne Nature. Il passait un extrait de moi avec Pierre-Yves Trudeau que j'interviewais. Moi, j'avais pas froid aux yeux devant lui, c'est sûr. Et l'animateur m'a dit, mais est-ce que vous étiez nerveuse avant d'être interviewée? Est-ce que vous aviez peur avant d'interviewer Pierre-Yves Trudeau? Je lui ai dit, moi, la peur, je l'ai eue dans mon enfance. Après ça, je n'ai plus jamais eu peur, comprenez-vous? Ouais. Et je me disais, tous les hommes sont mieux que mon père. Et c'est ça qui m'a sauvée par rapport à mon désir et ma volonté d'aimer les hommes. Ouais. Et effectivement, j'ai eu raison. Ouais. Mais ça explique aussi ma combativité. Je cherche pas le combat pour le combat. Moi, j'aime le combat d'idées. Ouais. Hein, j'aime pas le combat, les rapports de force. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est le choc des idées. Ouais. Et ça, évidemment, quand on me cherche, on me trouve. Madame Bombardier, ce que je trouve fascinant, c'est que vous venez de nous dire, j'étais tout petite et j'avais compris ça. J'avais compris qu'à la maison, c'était pas normal. Ça ne pouvait pas être ça. Ça ne pouvait pas être ça. Et déjà, à cet âge-là, vous compreniez bien des choses. Et je vais faire un lien avec ce que vous avez raconté à Tout le monde en parle. Vous l'avez fait avec notre collègue Paul Arcan quand vous parliez de votre garçon qui vous avait dit à l'époque, maman, en parlant de Lucien Bouchard, maman, il est plus fin avec moi qu'avec toi. Il est plus gentil qu'avec toi. Il faut sortir de la résidence. Parce que on vivait à l'ambassade, à la résidence. Ouais. Alors, visiblement, votre garçon, il y avait des gènes familiales, il avait compris ça très jeune aussi. C'est ce qu'on appelle une vieille âme. Oui. Hein, déjà, tout jeune, qu'il était capable de mettre ça en mots. Puis c'est un petit garçon, mon fils est très, très réservé comparé à moi. C'est pas un extrovert, mon fils. Mais il fait des films, vous savez, mon fils est documentariste, puis il a fait aussi des longs métrages de fiction. Ses films sont toujours d'une très grande sensibilité et c'est tout en nuances aussi. Mm-hmm. Et donc il avait compris ça. Oui. Mais c'est extraordinaire qu'un enfant comprenne l'angoisse de sa mère. Il la comprend si bien qu'il est capable de la mettre en mots. Oui. Avec les mots de l'enfance, n'est-ce pas? Mm-hmm. Madame... Parce que là, moi, j'étais dans... Comme il dit, cet épisode de ma vie, ça a été mon septembre à moi. Ça, c'est clair. Oui. Parce que vous savez, dans la vie, dans nos vies, tous les gens qui nous écoutent vont être d'accord avec moi là-dessus. Dans nos vies, on sait toujours qu'on chacun a des limites, hein, plus ou moins grandes, des capacités d'encaisser les coups. Moi, ce fut l'expérience où j'étais à la limite de ce que moi je pouvais prendre. Et Dieu sait, je le sais que je suis forte. Ouais. Mais je me suis construite. J'ai dit dans mon livre, au début du livre, si vous en souvenez ouais. bien, ouais. une enfance difficile forme le caractère. Ouais. Mais c'est une façon, c'est un euphémisme, comme on dit. C'est une façon très adoucie pour dire que quand on est frotté à des réalités si violentes et si brutales sur le plan psychologique, et si on ne casse pas, ben après ça, on peut affronter beaucoup de choses. Ouais, vous... Et je pense que c'est mon cas, effectivement, oh. c'est mon cas. Oui. Et il y a aussi mon sens de l'humour qui m'a protégée. Parce que moi, j'ai été élevée par un clan de femmes, hein, du côté maternel, je mm-hmm. le raconte. Moi, dans ma famille, les femmes buvaient. Non seulement elles buvaient, mais ça se saoulait. Moi, c'est ça que j'ai vu. Ouais. Hein, je viens de ce monde-là. Et j'ai aimé infiniment mes tantes, Edna, Irma, ma tante Lucienne, et qui étaient les sœurs de ma mère. Toutes ces femmes-là n'ont jamais eu d'enfants. Elles se sont mariées, mais elles n'ont pas eu d'enfants. Sauf Lucienne, elle ne s'est pas mariée non plus. Ça ne se mariait pas beaucoup dans cette famille-là. Mais elles m'ont aimée, et elles me parlaient de mon père comme d'un démon. Donc, elles me confirmaient que j'avais raison de le voir comme ça. Mm-hmm. Hein? Et puis donc, moi, ça m'a développé une deuxième vie. Moi, j'ai deux vies. J'avais la vie à la maison que je devais cacher à l'école. Et quand la religieuse disait, bon, mais qu'est-ce que vous avez fait samedi, dimanche? Là, les petites filles disaient, bon, on est allé à la messe, à l'église Saint-Ferrié. Ils me faisaient raconter des choses comme ça le lundi, là, tu sais, dans un, ouais. supposément un petit cours d'expression, expression en français, orale, ouais. Uh-huh. Et moi, je disais, j'inventais. Moi, je disais que mon père, qui était un anticlérical, qui détestait l'église, qui parlait du Québec, c'était le Québec. C-U-L. Et les Québécois, c'était ça, qui souhaitaient qu'on aille à l'école anglaise, mais en fait, c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on aille à l'école des curés, donc ils descendaient tous les curés, tous les saints du ciel à cause de ça. Et bien, moi, je racontais que mon père allait à l'église à la chapelle de l'aéroport de Montréal où il travaillait. Je m'étais tout inventé ça. Ah, oui. Donc, j'ai su qu'il y avait toujours la réalité, pouvait toujours être derrière la réalité. Et c'est ce qui m'a permis, par exemple, en interviewant les politiciens, de toujours aller derrière les mots qu'ils racontent. Oui. Mais vous l'avez dit encore, hein, tout le monde jours, en parle. En à quel... ben, c'est de ça. Nos jours, il n'y en a plus de mots. Ouais. Derrière les mots, il n'y a rien. Ce sont des consultants qui est en communication, qui leur disent quoi dire. Oui. Madame Bombardier, je vous écoute. Et tantôt, vous parliez bon, de votre mère, de l'héritage familial maternel, de vos tantes qui vous ont appris beaucoup de choses, qui vous ont confirmé des choses. Est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'être aussi aimante? Parce que vous l'avez dit, vous aimez les hommes, vous aimez votre homme. Je fais référence à votre roman, L'Anglais. Je me souviens, dans ce roman-là, vous disiez, c'est mon homme, il m'émue encore. C'est un côté, j'aime être émue par cet homme-là. C'est à cause de ça, entre autres? Oui, parce que moi, et c'est pour ça aussi que parfois je trouve que le discours sur les hommes au Québec est un discours trop dur. Il y a un discours féministe radical qui est très dur pour les hommes. Moi, je suis attendrie par les hommes et je suis la première à savoir qu'un homme peut être méchant. Méchant dans l'idée d'une petite fille, c'est sûr. Maintenant, je sais que mon père était un malade, mais... Et j'en veux à ma mère de nous avoir laissé assister à ça. Mm-hmm. Parce que mes tantes disaient à ma mère de quitter mon père. Ouais. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle était victime, ma mère, en un sens. C'est pour ça aussi que j'ai des problèmes avec des gens qui... Je sais qu'être victime, c'est... Les gens qui sont victimes, c'est parce qu'ils n'ont pas la force et tout. Mais en même temps, j'en veux à ma mère de m'avoir laissé traiter de ma tabarnak de chienne. Ça s'adressait à moi, mais j'avais 4 ans, vous voyez. Ça se pardonne pas, Mme Bombardier. Je là à la télévision. Je sais que les gens peuvent pas imaginer, mais c'est de là que je viens. Ouais. Et c'est pour ça que je suis si à l'aise avec les gens et que je comprends les gens, quoi. Ouais. Mme Bombardier, on va inviter les gens à se procurer ce livre, Une vie sans peur et sans regret, en espérant qu'il y en ait plein d'autres des livres. Vraiment, j'ai du plaisir à vous lire, autant dans une autobiographie que dans à peu près tous vos romans. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Et je vous dis que mon prochain livre, c'est le Dictionnaire amoureux, c'est une collection en France, là, je l'avais fait sur le Québec. Oui. Mon prochain livre, c'est le Dictionnaire amoureux des hommes. Ah, bon, ben, j'ai déjà... Est-ce qu'on a... Là, on va décrire les hommes sous toutes leurs coutures. Ah, ben là, j'ai déjà... Docteur Mayou est déjà prêt à réagir à ça, je vous le confirme. Merci, Mme Bombardier. Merci, au revoir. Au revoir, Denise Bombardier. Voilà, ça s'appelle « Une vie sans peur et sans regret ». Excellente entrevue de Catherine Gaudreau avec Denise Bombardier. Très personnelle. Très personnelle, oui. Elle s'est confiée, je pense. Elle a parlé justement de ses problèmes familiaux. Elle a parlé des hommes. Et je trouve ça intéressant justement qu'elle puisse écrire en fait, pas un article, mais plutôt un livre. Ouais. Même un dictionnaire sur les hommes pour dénaturer les hommes et pour expliquer, bon, qu'est-ce que sont les hommes? Qu'est-ce qui les représente? Je trouve ça intéressant. Donc, une entrevue très touchante que vous pouvez retrouver sur le site web, donc le fm1069.ca, dans la section émissions. Et l'onglet Que la Mauricie se lève, vous sélectionnez le 26 octobre et l'entrevue de Denise Bombardier avec Catherine peut-être réécoutée. Et vous pouvez également vous procurer son autobiographie qui s'intitule Une vie sans peur et sans regret. Et on en profite, une entrevue avec Bombardier sans aucune mention de la C-Series. Oui, tout à fait, exactement. Alors, ça fait du bien de parler du bon vieux Bombardier, mais de Denise Bombardier. Alors, excellente entrevue qu'on vous a fait entendre. À 12h20, on se parle après la pause et on se parle de quoi? On se parle de Ginette Renault parce qu'on va vous faire rejouer une entrevue de Robert Pilote avec Ginette Renault. Il l'avait gardée en studio durant 30 minutes. J'ai sélectionné des meilleurs moments à travers cette entrevue. Je vous en ai fait un montage. On va vous repasser ça. Ça se passe dans environ 3 minutes. Restez des nôtres. Votre radio. Lundi, c'est le retour à la programmation régulière au 106.9 Mauricie. Dès 5h30, retrouvez l'équipe du matin avec Que la Mauricie se lève. Dès 11h, midi plus. D'ici là, prenez soin de vous et bonne année 2019. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin. Seulement au 106.9 Mauricie. Midi 23, re-bienvenue dans les meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Raphaël Pepin qui vous accompagne jusqu'à 14h en compagnie de Mathieu Plante à la réalisation de l'émission. Et vous l'entendiez dans le spot, donc l'extrait publicitaire que joué avant qu'on commence cette émission. Donc, on va avoir un retour à la programmation normale au cours du 7 janvier. Alors, Catherine Gaudreau qui reprend sa place dans l'émission Que la Mauricie se lève. Également, Robert Pilote qui revient sur son siège dans l'émission Midi Plus. Les chroniqueurs qui, eux, vont revenir dans les prochains jours et les prochaines semaines. On parle du Dr Mayou, Michel Villeneuve, également François Vigeant, Bernard Drainville et on pense également à Michel Giroir. Et on va avoir la chance parce que le Dr Mayou ne revient pas la semaine prochaine. Okay. On va voir quelqu'un d'autre. Ça va être MC Gilles. Oh, wow! Oui, ça va être vraiment le fun parce que MC Gilles est un bon communicateur également. Quelqu'un qui a de la jugeote, qui a également... qui est divertissant, exactement. Très énergique aussi. Alors, ça va nous faire plaisir de lui parler. Un gars qui, en plus, est originaire de la région. Alors, je pense que ça va être bien agréable. Tout ça, ça se passe à partir du 7 janvier. Retour aux heures habituelles aussi, hein? 5h30 à 9h30 pour le matin et 11h à 14h. Oui, tout à fait, tu fais bien de le dire, Mathieu. Alors, pensez-y. Pour ceux qui veulent se brancher, là, ce ne sera pas de 6 à 9 heures le matin, ça va être de 5h30 à 9h30. Et comme tu l'as dit, changement d'heure également pour l'émission Midi Plus. Ce qui vous attend pour la prochaine heure de cette émission, on va parler aussi avec Katia Gagnon. J'y dis tout le temps, je vais parler, mais en fait, c'est des entrevues, évidemment, qu'on vous repasse. Tu fais rien, c'est Catherine ça, Gaudreau et Robert Pilote ont fait Je ne fais rien dans cette émission. Alors, Katia Gagnon, qui avait sorti le dossier dans la presse sur Gilbert Rozon, on va lui parler donc une entrevue qu'on va vous rejouer. Également un témoignage de Jean-François. J'avais fait une chronique par rapport à la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Ils avaient sorti des capsules par rapport à la transsexualité. Ouais. Comment on peut montrer à nos enfants à apprendre leur identité de genre et à l'accepter. Et c'était très intéressant. Il y a Jean-François qui nous a appelé pour se confier à nous sur les ondes du 106.9. C'est un très bon témoignage. On va également jaser, en fait, repasser une entrevue de Marie-Mé, de Ginette Renault, qui s'en vient d'ailleurs. Et également Claude Poirier. Il va nous raconter quand il a été le négociateur, parce qu'on le sait, c'est le vrai négociateur. Oui. Et il l'a été dernièrement. On va vous rejouer ça dans quelques instants. À 12h25, on passe maintenant à l'entrevue avec Ginette Renault, Robert Pilote qui s'était entretenu avec elle. Et Ginette Renault, là, c'est une grande dame. Environ 60 ans de carrière dans le monde de la musique. Elle a livré son dernier album, À jamais, en octobre dernier. Et elle a atteint le sommet des ventes à travers le Canada. Robert Pilote l'avait reçu pour une grande entrevue d'une trentaine de minutes, le 30 octobre dernier. J'ai sélectionné quelques bouts de leur conversation. Ah! Et j'en ai fait un montage. Il y avait beaucoup de stock, c'est ça que ça veut dire? Ben, comme dans un magasin de rénovation. Tout à fait. Il y avait beaucoup de stock. Et justement, ben, c'était une très bonne entrevue qu'on vous repasse à l'instant. Voici ce que ça donne. Pour lancer cet entretien, j'ai ressorti un extrait d'une magnifique chanson que vous avez interprétée sur la montagne. On est au début des années 70. Oui. Le mouvement indépendantiste au Québec bat son plein. Hein? Oui, oui. Ça va vite. Hein? Oui, oui. Bon, alors, beau souvenir ici ensemble. Encore un pas, petit pas, encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas. C'est bon. C'est bon. Si tu voyais le monde au fond d'avant. Voyez-vous les images? Vous êtes seul. Comme si j'étais là, oui. Devant cette foule. Oui, oui, il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal parce de monde. Parce qu'il y avait, il y avait comme 200-300 000 personnes. J'ai eu un standing ovation de 11 minutes. J'étais bouleversé. Totalement, absolument. Complètement. T'sais, ce type d'événement, Mme Renaud, qui bouleverse la vie aussi, oui, qui chambranle des affaires. Oui, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. C'est un moment inoubliable dans ma vie. Et dans votre carrière, on est autour de 74, 75 dans ce coin-là. Mm-hmm. Vous vivez quoi dans votre vie à ce moment-là? Je pense que je vis... Je revenais de Toronto. Je sais que j'avais pas dormi pendant 2 jours. Ça, c'est sûr. J'étais épuisé. Totalement épuisé. Je me souviens d'être revenu chez moi. J'ai loué ma maison, fait que c'est ça, je suis à Los Angeles à ce moment-là. J'ai loué ma maison à un ami, et je me souviens d'avoir demandé à Dieu si je méritais. J'ai dit, c'est drôle, hein, parce que je parlais à Dieu. Je m'envoie avec ma voiture, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, c'est pas drôle, hein, c'est des grands moments comme ça. Puis je vis ça tout seul, là. Je suis obligé de revenir tout seul. J'ai personne à côté de moi, là, pour pouvoir partager ça. Je me souviens de ça. Et je me souviens d'avoir demandé, es-tu capable de me montrer que je vaux la peine? Que ce qui est arrivé ce soir, je le méritais. Parce que je disais, 11 minutes de standing ovation, ça se peut pas. C'était donc, je suis rentré à la maison, qui était plus ma maison, je l'avais louée. Je me souviens, je suis dans le salon, puis ça fait 2 jours que je dors pas. 2 jours complets. Et puis, je me promène de long en large, parce que je me suis trompé 2 phrases dans la chanson. Je pense que j'ai répété la même chose. Ouais. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais... Mais ça ne paraît pas. Non, mais je me suis trompé pareil. Puis j'ai de la difficulté avec ça. Donc, je suis en train de faire le long en large en disant j'ai un peu plus fort, un peu plus haut, un peu plus seul, pour essayer de me retrouver les paroles. Ouais. Et là, j'entends comme une voix, OK, qui me dit, je ne vais pas jusque-là, là, qui me dit, regarde, ça fait 2 jours que tu es debout, là. Regarde ce que tu viens de faire. Veux-tu, tu pourrais être en ce moment en train de prendre un coup avec un paquet de monde qui ne veulent rien savoir de toi, mais qui veulent jouir de ton succès. Absolument, avec toi, OK? Oui, ça. T'es à la maison, t'es encore après pratiquer tes paroles. Veux-tu, s'il vous plaît, aller te coucher puis dormir? Et le lendemain matin, je me souviens, quand je me suis levé, dans la presse, il y avait d'un côté, il y avait une montagne. D'un côté, il y avait Lise Payette, mon ami. Puis de l'autre côté, il y avait moi. Fait que j'ai remercié le ciel. J'ai dû faire quelque chose de correct hier. C'est-tu avant l'épisode René Angélil ou après ça? Je pense que c'est... René devait... J'ai quel âge à ce moment-là? Moi, j'ai 72 ans. En 74, j'ai quel âge? Ben, vous je suis êtes né en 46. 74, autour de 30 ans, là? Bon, ben, j'ai pas encore, non. Je suis pas encore... j'ai pas fait mon trip avec René Angélil. Ben, quand on dit un trip, là, c'était quoi? C'est un trip d'amis? Un trip de lui s'occuper de ma carrière. OK. Moi, je me rappelle comment on s'est rencontrés. Parce que René et moi, là, on se connaissait très bien, là. Moi, je l'ai marié avec sa première femme, là. OK, oui. OK, non, je veux dire, j'étais c'était là. Caro, là, c'est qui? Ben, ça, puis là, j'étais moi, mais j'étais là avec... Parce que dans le temps des baronnets, moi, Pierre Labelle, c'était lui que j'ai donné ma virginité. OK, oui, Pierre, donc, oui. Oui, donc Pierre Labelle des baronnets. On était tout le temps ensemble, les trois, là. Jean Bonde, René, puis Pierre. Puis lui, René, il était avec qui? Donc, là, je veux pas partir de rumeur. Mais chacun, il y avait toute leur blonde, là. Puis, fait qu'on naquait. On avait du fun, là. Anyways. Et à un moment donné, je suis à Acapulco. Et puis, il est en haut. Je sais pas ce qu'il fait, là. Il est avec Johnny Farago. Je sais pas trop. Puis, je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Saïd? Pas grand-chose. Ça te tenterait-tu de t'occuper de ma carrière? Et fait qu'il dit, ben, pourquoi pas? J'ai dit, c'est-tu moi qui monte ou c'est toi qui descends? J'étais comme en haut. Oui, oui, oui. Ben, il dit, monte donc, hein? Donc, je suis monté. On a commencé à parler. Puis, pas longtemps après, il a commencé à s'occuper de ma carrière. Céline arrive plus tard, là, elle. Elle va arriver après moi. Après? Céline, elle arrive après moi. Au moment où lui avait tout préparé pour moi, il a tout préparé pour elle. Ah oui? C'est correct. Il a fait une pratique générale. Je pense que oui, c'est exactement ça. Il a fait une pratique générale. C'est tellement beau parce que si on parle de Céline Dion, quelques années plus tard, la même chanson devant à peu près... Oui. Autant de monde. A fait une bombe aussi comme ça a fait... On est à l'autre bout de l'autoroute. Exactement, 20. Exactement. On est à Québec. On vous dire que ça, c'était l'un des grands moments de la chanson au Québec, ça. Cette réunion-là de deux femmes de deux générations. Oui, c'était quelque chose de... Oui, hein? Oui, vous avez raison. Quel beau moment. Absolument. Puis, je vais vous dire, il y en a qui... On ne fait pas de compétition. On n'en veut pas de compétition. On est dans le domaine... On ne fait pas de comparaison, non. Non, on ne fait pas de comparaison. On ne compare pas, on fait mais pas moi, de compétition. Mais moi, Mme Renaud, j'ai entendu dire... des gens qui disent, ben écoutez, je pense que Ginette... Elle chante plus fort que Céline. Elle a du souffle. Elle a du souffle, absolument. Vous avez bien raison. Qui des deux est sorti? Je me sers les deux fesses, puis je suis pas sans. Ça doit être pour ça, sûrement. Oh là là. Hey, t'as toute une carrière. Bon, on parle-tu du nouvel album, le dernier? Oui, il a jamais. À jamais. Mon petit bébé. Un petit bébé. Un autre album. Oui, c'est oui. Loin d'être le dernier. J'espère que non. Il va en avoir d'autres. J'espère. De passage. Mais c'est mon dernier coup de cœur, pareil. Ouais. Trois-Rivières et Ginette Renaud, ça va un peu de pair. C'est Riviera, Monaco, Des Forges, oui. Le Rio, oui, le Château de Blois. Eh, mon Dieu. Vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas connu tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça, ma chère madame. Monsieur. C'était Sodome et Gomorre. Ah, c'est... C'était... Oui. Ouh, il s'en est passé des affaires. Oh, mon Dieu, qu'on a eu du fun à Trois-Rivières. Oui, hein? Ah, ben, monsieur, mais si moi, vous saviez, il y a des histoires dans mon livre, là, juste sur Trois-Rivières, quelques chapitres. Ah oui? Oui, monsieur. Sur Trois-Rivières. Des hommes... Le Château de Blois, l'hôtel ici, l'hôtel là, comme je vous dis... Il n'y avait pas une station de radio au Château de Blois à l'époque? Oui, il y avait tout ça, oui. Il y avait ça aussi, c'était CHLN, l'ancêtre de cette station. J'ai fait des tags pour un paquet de radio aussi quand j'étais plus jeune. C'est vrai? Oui. C'est quoi les projets avec l'album, là? On va faire une tournée, on va aller se promener, on va véhiculer l'album parce que les chansons sont tellement magnifiques. J'ai 4 réalisateurs là-dessus. J'ai des chansons absolument wow, fantastiques. Là, il y a quelque chose qui vous arrive, là, c'est quoi? Bon, c'est en train bonjour, de lire monsieur quelqu'un. Pilote. Madame Renaud, juste pour savoir, ça va être en spectacle à Trois-Rivières. Oui, c'est quand? Sûr. Mais je ne sais pas. On ne savait pas encore. Vous donner de date. Mais je sais que l'année prochaine, je vais venir faire mon petit tour, ça, c'est certain. Dernièrement, j'ai fait la symbiose entre Ginette Renaud et Ginette. Et sur l'album À Jamais, là, c'est Ginette qui chante plus que la Renaud. Oui? Oui, là, j'arrête d'aller la voir. J'allais la voir, j'étais toujours en arrière de la scène. Puis maintenant, là, je me retrouve avec elle, là. On s'est mariés. Y a-t-il une chanson préférée que vous avez sur l'album? Je vous dirais « Je serai là ». Je serai là? C'est la maman qui chante à sa fille. On ne fait que passer. C'est beau aussi. C'est Veneruzzo. Beau, ça? Hein? Jacques Veneruzzo. C'est qui? Il écrit des chansons pour Johnny Hallyday, pour Céline. Il écrit des belles tunes, Jacques Veneruzzo. Ouais. Puis j'ai à jamais que moi, c'est moi qui ai fait les paroles. Et si vous faites une tournée, là, Mme Renaud... Oui. Mais les gens vont réclamer quand même des vieux hits. Ben, c'est sûr, je vais chanter. Écoutez bien, là. Hein? Ben oui, c'est sûr que les autres, toutes les chansons, là, les plus belles de ceux qui s'en vont à l'essentiel, à Fais-moi la tendresse, à un peu plus haut. J'y chante toutes, j'ai besoin d'un ami. Mais comment qu'on fait pour choisir? Ça, c'est pas évident, par exemple. On prend des cartons, on les met sur la table comme des scènes de film. Oui, oui. On va faire ça, on va faire celle-là, on va faire celle-là. On arrive au terme de cet entretien. Mme Renaud, ça a été exceptionnel. Robert, c'était, ben moi aussi. C'était. J'ai tout géré mon dîner avec vous, là. Et vous êtes allé manger où, quoi? Ah, je peux pas monter à l'hôtel. Geoffroy, la madame est fine au bout, là. À l'auberge Godefroy. Là, on s'en va au Costco. C'est ça, on s'en va au Costco oui! à 3 heures. On n'a pas parlé encore. Mais c'est pas grave, ils vont le savoir qu'on s'en va au Costco. Vous avez fait un tabac à Québec, semble-t-il. À Chicoutimi aussi. À Chicoutimi aussi. À Chicoutimi, on a déjà tout vendu. Là, vous êtes à Trois-Rivières. Il n'en reste plus. Hein? Oui, vous êtes à Trois-Rivières. Costco. Dans une heure et demie à peu près. À 3 heures, oui. OK. Puis je vous souhaite d'en vendre des tonnes de copies. Vous êtes un amour. C'est, ben, je le sais, je le sais. Vous le savez, voyez-vous. Je vais le répéter maintenant que Ginette Renaud a dit que j'étais un amour. Vous êtes un amour. Tellement un amour qu'on va se quitter avec l'une des chansons qui se trouve sur l'album. Et pourquoi pas? À jamais. Laquelle qu'on a dit que c'était? À jamais. Jamais. On ne fait que passer. On ne fait que passer. D'accord. Merci, Mme Renaud. Monsieur Pilote, merci. Si nous, de notre place, on ne fait que passer. Oh. Alors, j'ai le goût de dire à la fin de cette entrevue, quelle voix quand même? Ben oui, quelle voix! C'est une des plus grandes voix au Québec et je pense qu'après 60 ans de carrière, on peut dire que Ginette Renaud va avoir marqué l'univers musical québécois et pas juste au Québec. Mm-hmm. Au Québec, au Canada et à travers le monde. Elle va avoir fait des collaborations assez importantes et je pense qu'on peut lui lever notre chapeau parce qu'après autant de temps de carrière, autant d'années de carrière amassées, tout ça ensemble, là, ben elle est encore aujourd'hui très pertinente dans le domaine musical. Et je le disais, elle a atteint le sommet des ventes à travers le Canada avec son dernier album À Jamais, qui évidemment, vous pouvez vous procurer un petit peu partout. Et des grandes confidences à Robert Pilote, là, se serrer les fesses et sa virginité, c'est ce que je retiens de cette entrevue-là. Et ça, c'était, tu disais, 10 minutes sur 30. Oui, tout à fait. Alors, 10 minutes sur 30. Alors, imaginez sur 30 minutes, c'est une femme qui aime se confier. Évidemment, on a joué Denise Bombardier en début d'émission. Mm-hmm. Elle aussi aimait beaucoup se confier. Alors, ce qui est le fun aussi sur les ondes du 106.9, c'est qu'on a droit à des confidences. Ouais. Autant dans l'émission de Catherine que dans l'émission de Robert, les gens viennent s'asseoir en studio. C'est toujours ça qui est apprécié parce que le contact est meilleur. Et justement, je pense qu'avec Ginette Renaud, ça a donné une excellente entrevue. Entrevue de 30 minutes, comme je le disais, que vous pouvez retrouver sur la page du 106.9, donc du fm106.9.ca, dans la section émissions. Pour celle-là, c'est midi plus, le 30 octobre dernier. À midi 37, on s'en va à la pause. Après la pause, qu'est-ce qui nous attend? On change de créneau un petit peu. On a jasé beaucoup de showbiz. Là, on va se parler de politique. Entrevue de Denis Roy, conseiller municipal à la ville de Trois-Rivières, qui l'a fait avec Catherine Gaudreau, et c'était en lien avec la Vision Zéro. Alors, vous savez, ce projet, cette philosophie de sécurité routière qui a fait tant jaser ici à Trois-Rivières, les citoyens et les citoyennes. Ça en fait jaser au conseil municipal, ça en fait jaser évidemment les conseillers eux-mêmes et le maire, en fait, je devrais dire l'ex-maire de la ville de Trois-Rivières, Yves Lévesque. On va vous repasser l'extrait de l'entrevue. Ça commence assez rough et je me permets d'utiliser l'expression rough. Vous allez voir, on se parle de ça dans 4 minutes. Exclusivité 106.9, Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Seulement au 106.9 Mauricie. Voici Raphaël Pepin. Midi 42, l'émission des meilleurs moments du 106.9 Mauricie qui se poursuit, évidemment, sur les ondes du 106.9 en compagnie de moi-même, Raphaël et Mathieu Plante à la réalisation de l'émission. Ça pourrait pas être ailleurs qu'ici, ben finalement, non, je pense pas. J'espère que non, en tout cas. Alors, on poursuit ça jusqu'à 14h en vous accompagnant. Et j'espère que vous allez bien et que vous, que tout se passe bien en ce midi. Ben oui, un petit Ginette Tonic. J'essaie de mettre Ginette dans Ginette. Oui, tout à fait, j'ai remarqué. Merci. Alors, pour ceux qui veulent peut-être nous appeler, donner des commentaires ou des suggestions, ou peut-être nous dire leur meilleur moment, 819-376-1069, vous êtes le bienvenu dans cette émission. On poursuit avec la prochaine entrevue réalisée par Catherine Gaudreau avec le conseiller municipal à la ville de Trois-Rivières, Denis Roy, et il revenait sur le fameux projet Vision Zéro qui a tant fait réagir à travers la ville. Et je le rappelle, le projet Vision Zéro, c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réglementer, un petit peu comme une nouvelle philosophie en sécurité routière. Et d'ailleurs, Paul Vermeau-Desroches en parlait ce matin dans le Nouvelliste par rapport aux choses qui allaient être à surveiller en 2019. L'instigatrice de ce projet, c'est Marianick Mercure, également conseillère municipale à la ville de Trois-Rivières. Et il y a une des choses qui a fait beaucoup jaser et qui a divisé en fait la population, c'est une des mesures qui est comprise dans la vision, c'est l'abaissement de la limite de vitesse à 40 km/h sur les rues locales et collectrices. Denis Roy faisait son entrée en studio. Catherine avait très hâte de lui parler. Vous allez voir, ça va brasser. Monsieur Roy, la rentrée, là, parce que, bon, visiblement, peut-être que c'est moi qui pose pas bien ma question. Bonjour, Monsieur Roy, Denis Roy. Ça va bien? Ben oui, c'est difficile ce matin. La question est simple. Ouais. Ben, en fait, j'ai deux questions. Est-ce qu'avant qu'on décide de voter là-dessus, est-ce que quelqu'un qui a levé sa main pour dire, ben, on pourrait peut-être aller consulter avant de voter? Ça a-tu été fait? Pas consulter avant de voter, mais inclure une consultation. Oui, mais ça donne quoi d'aller consulter après qu'on se soit promis? Oui, mais c'est une résolution, c'est une manifestation d'intention, ça change rien à la réglementation municipale. Bon, ben d'abord, c'est une direction vers laquelle le conseil s'en va et sur laquelle on va consulter. Ouais. Puis après ça, on va appliquer. Ce qui va avoir été décidé. OK, mais donc, à ma deuxième question, je demandais à Mme Bellemare, est-ce qu'après ça, est-ce que ça pourrait changer la décision d'abaisser la limite ou pas après? Ça peut. Oui. Oui, okay, ça, peut, ça peut même aller jusqu'à abaisser davantage. Ah ben, parce okay, que, c'est ça. Okay. Je vous donne un exemple. Ouais. Une des raisons pour lesquelles on a mis 40 km/h, ouais, c'est que Vision Zéro, ça recommande 30. Fait que, ouais, ben, okay, un bout de notre surprise, regardez, là, m'a commencé par faire amende honorable, ouais, en mon nom personnel, parce que je suis une des personnes qui est censée savoir communiquer sur ce conseil-là. Ça devrait être pas pire, oui. Ouais, ouais. Et le conseil aussi devrait avoir vu venir l'affaire, c'est que on aurait dû préparer le terrain, ouais, etc. On est d'accord. Bon, mais notre intention en mettant 40, là, ouais, c'était vraiment de que l'association entre Vision 0 et 30 ne se, ouais, fasse pas. Ben, forcément. Attendez, là, vous me dites, recommencez ça, là, je vous ai perdu. Tous les endroits, premièrement, ouais, Vision 0, là, on prend pas ça de nulle part. Vision 0, ça fait partie de la politique du gouvernement du Québec. Oui, ça, ça va. Sur la, oui. Ben, ça a l'air, ça va. C'est la stratégie du, oui, gouvernement, donc, du Québec. Je sais. Oui, mais les gens sont beaucoup. Ben, parce que ça, vous l'avez mal expliqué. Ça n'a, oui, pas été expliqué. C'est, et là, vous accusez le monde de dire de faire de la désinformation. Ben, j'ai rien dit de, non, ça, pas moi, vous, matin. Mais non, pas vous. Ben je parle, ça circule au conseil. Je ne savais pas si on était au, non, vous, ben, au-dessus. Vous, fait que au, j'ai, conseil. Pour Madame moi. Bellemare l'a dit hier, Madame Mercure, il y a de la désinformation, mais en même temps, les choses, ont, je pense que vous l'avouez, n'ont pas été bien présentées, bien expliquées. Clairement, là, si on pouvait retourner là, ouais, un mois ou deux en arrière, là, ça ne se passera pas demain. Ça ne se passera, okay, pas comme ça. Puis je pense que le consensus sur ce point-là est assez unanime. Okay. Mais le bout, là, tu sais, puis je veux aller au bout de mon affirmation par rapport au fait que c'est la stratégie du gouvernement du Québec de déployer la Vision Zéro à l'ensemble du territoire. Ouais. Ça, je pense que c'est pas su. Puis j'imagine que des gens comme vous qui fouillez les dossiers avant de nous recevoir ou d'engager une conversation là-dessus, le savez. Mais je pense que dans la population, ça n'a pas été, communiqué. Puis, ouais, sauf que la responsabilité revient aux municipalités. C'est la décision de la municipalité de statuer là-dessus. C'est pas une obligation d'opter pour la Vision Zéro. Non, mais non, c'est une orientation du gouvernement du Québec qui dit ouais, plus ça va être présent sur le territoire québécois, oui, plus les gouvernements en place du palier provincial et municipal vont faire une bonne job pour la sécurité de nos citoyens. Oui, mais c'est une orientation. Oui. Mais là, monsieur, parce qu'il ne faut pas mêler le monde. Le gouvernement vous a pas dit, là, vous n'avez pas le choix d'ici 5 ans, il faut que ce soit ça. C'est pas ça. C'est une orientation qui... Non, moi, je vous expliquais que ça ne vient pas de nulle part. Et non, que si il y a un fondement logique à ça, il y a, ouais, du monde qui sont penchés là-dessus, il, ouais, y a des expériences ailleurs, puis ça a fait ses preuves, et au point tel que c'est l'orientation de notre gouvernement. Ben, c'est ça la problématique, M. Roy, c'est que ça a fait ses preuves, ça reste à prouver encore. Hein? Avez-vous, ben, M. Roy, avez-vous des chiffres à nous démontrer? Je suis même pas capable d'avoir des chiffres en termes d'accidents dans les quartiers résidentiels. C'est très difficile. Alors, ce que vous me dites, ça fonctionne ailleurs. Qu'est-ce, oui, qui fonctionne ailleurs? Est-ce qu'on a diminué le nombre d'accidents mortels dans les quartiers résidentiels où c'est déjà appliqué? Si vous l'avez, donnez-le-moi. Vision Zéro, ce n'est pas que les quartiers résidentiels. Ce n'est pas que ça, mais là, on parle de ça. Là, vous comprendrez. Pourquoi on peut pas, vous ne voulez pas parler de toute Vision Zéro? C'est parce que je n'ai pas une heure et demie, parce que Mme Mercure nous a dit qu'il y avait à peu près 8000 mesures. Ce qui allume les gens présentement, là, c'est l'abaissement de la limite de vitesse. Ben oui, puis tant qu'on va rester sur ce bout-là de la conversation, on ne parlera pas du fond de l'affaire. Non, on l'a fait avec Mme Mercure la semaine passée, M. Roy. Là, ouais, là je comprends que je n'orientais pas l'entrevue. Là. Je vous pose des questions, je vous demande de répondre. Ce qui branche les gens, M. Roy, c'est ça. C'est l'abaissement, c'est ça qui fait jaser. Là. Oui, c'est pas le rétrécissement des trottoirs, ça, on aura l'occasion de s'en jaser. Ouais. Mais c'est ça. Actuellement, vous me dites, c'est un succès ailleurs au Québec. Qu'est-ce qui fait? C'est Vision Zéro qui est un succès, pas la vitesse. Mais donnez-moi des chiffres. J'ai pas dit au Québec, j'ai dit dans le monde. Non, mais c'est encore mieux. Ben, dans le monde, fait qu'amenez-moi du concret. Qu'est-ce qui a été amélioré? En quoi ce projet-là améliore notre sécurité? Dans le concret, là, avez-vous... Puis je peux vous donner du temps, je peux aller parler à M. Guy, si vous me permettez. À monsieur? Non, c'est parce que j'ai Stéphane Guy qui était à la séance hier. Je peux faire ça. Je peux vous donner du temps puis aller parler à M. Guy. Voulez-vous qu'on fasse ça? Je pense que oui. Ben, regardez, en Europe, 46% de réduction des accidents avec décès ou blessés graves. Moins 25% aux Pays-Bas, 27% de moins dans les quartiers résidentiels? C'est ce n'est pas une approche pour les quartiers résidentiels, c'est une approche pour l'ensemble du territoire. Là, les chiffres sur Vision Zéro sont pas des chiffres rue par rue. Que, non, je n'en pas c'est rue des par... résultats communauté non. par communauté. OK, mais c'est parce puis que... Puis la, la mesure de réduction de vitesse par de l'affichage, c'en est une. Puis c'est la moins contraignante. Je suis d'accord avec vous, mais c'est parce que je ne suis pas capable de savoir, à Trois-Rivières, dans les quartiers résidentiels, s'il y a une augmentation ou une réduction depuis 10 ans des accidents mortels. Il n'y en a pas tant que ça, des accidents mortels dans les quartiers résidentiels. On est d'accord là-dessus. Comme ça a été. Oui. Mais pourquoi vous me parlez des quartiers résidentiels seulement? Mais c'est parce que la limite de vitesse, c'est pas dans les quartiers résidentiels qu'on la voit la diminuer. C'est dans les quartiers résidentiels. On parle pas des autoroutes, sur les collectrices, mais il y en a. Ben oui. Ben oui, mais c'est ça la mesure, M. Roy. C'est qu'on plafonne. Vous avez pas vu la carte qui est sortie là, cette semaine? Oui, j'ai vu la carte. Vous avez pas vu de points dans des quartiers résidentiels? Il y a des points. Mais oui, mais M. Roy, c'est des points un peu partout. Il y en a des accidents partout. C'est pas ça que je vous dis. Mais la mesure, là, est pas dans les quartiers résidentiels, l'abaissement du 40 km/h? Rue locale et collectrice. C'est ce que Ça veut dire. Rue locale et collectrice, c'est quoi ça dans le jargon? Ça veut dire quoi, une rue collectrice? Mais là, je viens de vous poser une question, à savoir si vous avez regardé la carte. Oui, Mme Mercure me l'a montré, la carte. Bon. J'avais juste des points sur une carte. Bien, des points, c'est tout soit des décès, soit des accidents graves. Bon. Oui, mais ça, c'est l'ensemble du territoire. La mesure, elle touchera pas l'ensemble du territoire. Ou corrigez-moi si je suis dans l'erreur. Mais là, je comprends pas ce que vous faites. L'abaissement du 40 km/h. Ce que je vous dis, là. Si vous avez regardé la carte, vous avez vu qu'il y avait des points d'accident avec blessés graves ou morts dans des quartiers résidentiels. Oui. Qu'est-ce que vous voulez plus comme réponse? Ben, en fait, c'est parce que j'ai pas des chiffres concrets. Est-ce que ça a diminué dans les dernières années ou ça a augmenté? C'est ça que je vous demande. Ça plafonne. En termes... Ça plafonne. Partout où il n'y a pas d'application. Mais voyez, je comprends que je ne réponds pas ce que vous aimeriez encore. Non, c'est pas ça. C'est que vous répondez. C'est toujours vague. Et vous n'avez pas de chiffres concrets à nous. Vous nous dites, à travers le monde, c'est un succès. OK, c'est un succès. Mettons, si à Montréal, je sais qu'on l'a appliqué dans certains coins, est-ce que concrètement, il y a moins d'accidents? C'est tout ça, oui, le succès? Je viens de vous le dire. Alors, vous me parlez d'en Europe et d'aux Pays-Bas. Ah, ouais, en Europe, ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas de citoyens, ils n'ont pas de cyclistes, ils n'ont pas de piétons. Non, mais on peut-tu se comparer à des municipalités qui nous ressemblent ça aussi? Ça commence à être déployé au Canada depuis une couple d'années. Bon. Mais ça fait un consensus international au niveau scientifique. Ben ici, ça ne fait pas consensus, visiblement. On est-tu d'accord? Mais ben, M. Roy, est-ce qu'il y a consensus à Trois-Rivières? Mais là, est-ce que je vous ai parlé... Des citoyens, au début, j'ai commencé par vous dire que la manière d'amener ça sur la place publique, on a fauté. OK, parfait. Okay? Puis là, les administrations de sécurité puis de santé publique, à travers le monde, s'accordent à dire que la réduction des blessés graves et des morts, ça plafonne quand on reste avec les mesures traditionnellement utilisées qui visent le changement de comportement puis la responsabilisation des gens. Okay. Là, il y a eu une baisse depuis les années 70, puis là, ça bouge plus. Okay. Ailleurs, est-ce que la politique est exactement la même? Est-ce qu'ils ont abaissé leur limite de vitesse dans les quartiers, les rues, vous m'avez dit collectrices? C'est-tu la même chose? Dans tous les applications de Vision Zéro, il y a des mesures à différents niveaux de réduction de la vitesse par l'affichage. Bon. Mais les mesures de réduction de la vitesse par des avancées de trottoir, des dos d'âne, etc., c'est beaucoup plus contraignant que de l'affichage de vitesse. On est d'accord là-dessus. Ça, on se suit. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même... C'est parce que vous me dites que ça fait consensus. Bien, présentement, même au conseil, M. Roy, ça fait comprends. Pas consensus. Moi, je viens de dire, par rapport aux administrations de santé publique, ceux qu'on paye chèrement pour réfléchir à ces choses-là... Eux, ils trouvent que c'est formidable et ça fonctionne, c'est ça? Au point où c'est que le gouvernement du Québec l'a appliqué comme stratégie pour tout le territoire du Québec. Fait que si j'appelle quelqu'un aujourd'hui en santé publique, je suis capable d'avoir un expert qui va me dire que c'est... Je vous conseillerais d'appeler au ministère des Transports à Québec, là, parce que je vous avouerai qu'on est en déploiement. Puis nous aussi, on marche à peu près à la même vitesse que le gouvernement du Québec. Okay. Études en 2019, déploiement en 2020. Mais là, pourquoi vous me dites appeler au ministère des Transports? Vous m'avez parlé de santé publique. Qui j'appelle, finalement? Sécurité publique, santé publique... Non, c'est deux, c'est pas la même affaire. Non, je sais, mais... Santé publique, c'est une chose. Mais en fait, c'est les deux grands enjeux. Il y a un bout, c'est les rues, puis l'autre bout, c'est des blessés puis des morts. Fait que les deux sont interpellés. OK, mais donc, si j'appelle d'un côté comme de l'autre, pensez que je vais trouver des gens qui ont endossé ça, qui disent que c'est un projet qui... Clairement. Okay. On a rencontré Patrick Morancy. Mais vous en avez? Vous en avez de votre côté? Y a-tu des experts qui sont venus vous le dire? On a rencontré Patrick Morancy, qui est probablement la sommité québécoise en santé publique par rapport à la circulation. Oui, puis lui, il vous disait quoi? Ben lui, premièrement, il est venu nous dire qu'est-ce qu'on a bien fait ici à Trois-Rivières, où on devrait intervenir, etc. Okay. Mais c'est il est en ligne avec Vision des Roses. Parfait. Bon, on va faire ça. On va essayer de lui parler, M. Morace. Merci, M. Roy, d'être passé en studio. Ça fait plaisir. La prochaine fois, on va essayer de faire ça plus détendu. Non. Ça, si vous voulez être détendu, vous irez dans d'autres stations. Il y a d'autres stations qui offrent ça. Merci, M. Roy. Ah, c'est sûr, c'est vrai. À 8h40, on fait de la radio parler, de la radio d'opinion, M. Roy. Oui, alors, entrevue très serrée entre Denis Roy et Catherine Gaudreau. Alors, je pense que quand on vient sur les ondes du 106.9, particulièrement dans l'émission du matin avec Catherine, et que la Mauricie se lève, il faut être préparé. Alors, on voyait que, bon... Elle brasse, c'est ça, elle avait son point de vue, M. Roy avait son point de vue. Toutefois, je trouve que c'était extrêmement intéressant parce qu'on en apprend un petit peu sur le projet Vision Zéro. Et le lendemain, pour ceux que ça intéresse, on a parlé avec Patrick Morancy, justement, en santé publique, celui qu'il nous nommait à la fin de l'entrevue. Alors, pour ceux qui veulent aller réécouter, l'entrevue de Denis Roy se passait le 21 novembre et l'entrevue de Patrick Morancy était le lendemain, donc le 22 novembre. Il revenait sur la limite de vitesse à 40 km/h sur les rues locales et collectrices et également sur ce fameux projet Vision Zéro. Ouais. Et ça va faire réagir, je pense, encore une fois en 2019. C'est sûr. Et je pense que Catherine avait vraiment le point de vue de l'auditeur commun. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient comme elle. Donc Oui, mais effectivement, je pense qu'elle prend... Elle est une citoyenne à la base aussi. Elle est une citoyenne, elle est également une animatrice. Mais je pense que c'est important de démontrer un point de vue. Et sur ce point-là, je pense qu'elle était contre et elle voulait tenter de comprendre, chose qui n'a peut-être pas été... une résultante de cette entrevue, mais tout de même entrevue extrêmement intéressante. On aurait essayé. Oui, tout à fait. 12h56, on s'en va à la pause. On revient avec de la météo par la suite et une autre entrevue intéressante avec Guy Nantel, l'humoriste. C'est Robert Pilote qui l'avait fait et c'est intéressant parce qu'il fait souvent des vox pop, Guy Nantel, des vox populi, comme Robert se plaît à les appeler, sur la politique. Et il avait fait un vox pop en date du 25 septembre qui avait sorti sur les médias sociaux. Extrêmement populaire, je pense, quelques millions de vues, si je ne me trompe pas. Et Robert lui avait parlé pour lui faire comprendre pourquoi il fait des vox pop, qu'est-ce que ça amène également lors d'une campagne politique. Et ça, c'était tout juste avant que le gouvernement de la CAQ prenne le pouvoir. Vous allez voir, c'était assez intéressant. On se rejase de ça dans 3 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Pepin. Seulement au 106.9 Mauricie. 13h01, dernière heure de cette dernière émission spéciale des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Mathieu Plante et Raphaël Pepin qui vous accompagnent jusqu'à 14h. Et on va commencer avec un petit peu de météo. Alors pour aujourd'hui, nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, maximum plus 3. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, minimum moins 4 avec un refroidissement éolien à près de moins 7. Samedi, généralement nuageux, maximum plus 1. Et dans la nuit, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, minimum moins 5. Et pour ce qui est de dimanche, le 6 janvier, nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, maximum moins 6, et dans la nuit, dégagé avec un minimum de moins 15. Présentement à Trois-Rivières, il fait 1. Du côté de Shawinigan, il fait 0. Et du côté de Bécancour et la Rive-Sud, il fait 1. Alors des températures qui sont assez chaudes pour le moment. Oui, j'aimerais ça que tu nous donnes la météo de chaque meilleur moment. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Hein? Alors, prochaine entrevue à 13h02, on enchaîne avec une entrevue avec Guy Nantel. Robert Pilote lui avait parlé dans le cadre des élections provinciales. Guy Nantel, qui on le sait, est un humoriste, mais qui se promène, aime ça faire des vox pop, aller demander l'avis de la population sur certaines questions, et certaines questions d'ailleurs politiques. Il l'a fait justement en prévision des élections provinciales, et il a posé certaines questions assez croustillantes, assez intéressantes, sur la connaissance des politiciens. Alors, est-ce que les gens qui sont dans la rue, qui sont comme toi et moi, connaissent vraiment les partis politiques, les politiciens, les programmes politiques? Et je dois dire que j'ai été assez étonné de voir que non, les gens ne connaissent pas. En fait, premièrement, pour qui ils votent? Il y avait des gens qui votaient pour la CAQ, n'avaient aucune idée que François Legault était justement à la tête de la CAQ. Il y avait des gens qui disaient, ah oui, il me semble que Bernard Landry là, est encore à la tête de tel parti. Pas du tout. Alors, c'était assez étonnant comme vox pop. On va vous en faire rejouer certains extraits dans l'entrevue de Robert Pilote avec Guy Nantel. Voici ce que ça donnait. 230 000 vues, le nombre de partages, 10 000 partages, de l'amour, 3 000, 4 000 personnes qui trouvent que c'est extraordinaire. Les fameux Vox Populi de Guy Nantel. Allô, Guy? Salut aux gens de la Mauricie aussi. Incroyable, incroyable comment est-ce que ça fonctionne. On est habitué. Si t'es pas là, c'est pas pareil. L'élection. Ça devient une tradition, hein, c'est ça? Ça devient une tradition. Écoute, avec le budget que tu avais pour faire ça, tu scores autant que ben des longs métrages au Québec et au Canada. Hein. Je suis lourdement financé. Écoute, le dernier Vox Pop, c'est 2,7 millions de personnes qui l'ont vu. Fait que quand même, ça fait une bonne pub, ouais. Sauf que tu arrives trop tard dans la campagne. Il a fallu. Ben non. Hein? Il reste une semaine. Oui, une semaine. Mais là, il va falloir qu'on se le partage. Écoute, la première question, on va en entendre un petit bout, ce sera pas long. La première question qu'on va te poser, là, puis tu en parles dans un moment donné dans le fameux Vox Populi, là. Il y a un tri qui se fait, là. Hein? Tu prends juste les mauvaises réponses, tu sais? Ben oui, évidemment. Sinon, ça serait encore plus inquiétant, mais oui, tout à fait. Le jeu, c'est d'interviewer les gens. Tout de suite, au départ, je leur dis, je vais prendre juste vos mauvaises réponses, on va se moquer de vous, vous êtes partants pour ça. Puis les gens qui sont partants, on les garde, puis ceux qui sont mal à l'aise, évidemment, on leur fait pas le coup d'émettre comme ça, sans leur permission. D'après toi, là, si on faisait passer un test, OK, aux gens, est-ce que, avec une note de passage à 60%, est-ce que la majorité passerait le test? Ben, ça dépend des questions qu'on pose, là, mais je veux dire, des questions faciles comme j'ai, je vous dirais que oui, la plupart des gens sont capables de répondre correctement à 60%, mais évidemment, si t'en poses 12, ben, ça veut dire que tu vas avoir au moins 4-5 réponses étonnantes par personne, ce qui fait que quand t'arrives à l'étape du montage, t'as l'embarras du choix. OK, parce que, tu sais, des fleurs de lys sur le drapeau du Québec, là, c'est certain que c'est là, tout le monde doit l'avoir. C'est ça, là, c'est vraiment la chose qui m'étonne le plus. J'ai fait cette question-là aux quatre parties, puis j'avais des dizaines de mauvaises réponses qui allaient de 1 à 16. Là, il y a une fleur de lys, l'autre, il y en a 3, il y en a qui en voient 6. Puis j'ai du mal à comprendre comment quelque chose, un symbole aussi présent que ça, dans notre vie de Québécois depuis qu'on est né. Il y a plein de gens qui me disent, bon, on le voit pas bien souvent. Puis, ah, ben, on porte plus attention. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui nous écoutent, Guy, et qui n'ont pas eu l'occasion et la chance encore de le voir, parce que c'est une vidéo, bien sûr, mais ça se passe très bien à la radio, on va en passer un petit bout. Ça te va? Parfait. En quelle année la CAQ a pris le pouvoir la dernière fois? Là, par exemple, tu me poses une question. À combien estimez-vous la population du Québec? À 11 000 habitants. 11 000? Ouais. 11 000 habitants. Bientôt 12 000? Oh, si ça marche comme ça, continue comme ça, oui, même 15 000. 15 000? Bientôt. J'espère. Vous étudiez en quoi? En histoire. En histoire. Le Québec est devenu souverain en? En 80, là, avec la Constitution de Trudeau, là. On n'a pas fini les études encore. OK, bon. C'est très bon. Il étudiait vraiment l'histoire? Oh oui, tout à fait, c'est un étudiant en histoire. Ouais. OK, puis le Québec est devenu souverain. Je sais pas, là, je n'ai échappé un peu. C'est étonnant quand même. Ceux qui vont aller voter le 1er octobre, Guy, selon toi, puis avec tous ceux que tu as rencontrés maintenant, est-ce que ceux qui vont voter pour un parti vont faire un vote éclairé? Ils savent pour qui ils votent, puis le programme du parti est intégré, en partie du moins, dans leur esprit pour être capable de voter correctement selon leurs propres valeurs. Ben écoute, il y avait une étude dernièrement où il ressortait que pendant toute la campagne, on parle plus soit des gaffes des députés, là, des trucs disciplinaires, ou soit des sondages, que de l'économie, la justice, la santé, l'éducation réunies ensemble et les personnes âgées. De ces 5 postes-là, on parle autant de scandales, puis de lui a fait une gaffe, puis ci, puis ça, et de sondages. Donc, ça fait en sorte quoi? Ça fait en sorte qu'on parle aux gens pour avoir le plus de votes possible, parce que c'est ça la démocratie, c'est d'en ramasser le plus possible puis de gagner le plus de sièges possible. Et il y a beaucoup de gens qui votent, malheureusement, sur des bases qui sont autre que le programme, c'est-à-dire que est-ce que le candidat a l'air sympathique, est-ce qu'il est beau physiquement ou des trucs comme ça. Puis quand c'est ça la réalité des choses, mais pas étonnant que les politiciens jouent cette partie-là aussi. La perception, hein, c'est ça, on va aller voter sur la perception. Lui ou elle, je lui aime pas la face. As-tu ouais, c'est ça. Entendu? Tu sais, l'histoire de l'épicerie, je donnais l'exemple de l'épicerie à 75$. Je te dis, là, fais le tour, là, il n'y a pas 20% de ceux que tu vas interroger qui vont être capables de dire c'est quoi la vraie histoire qui se cache derrière ça. Ben, tu sais, moi, j'ai fait le Vox Pop, je l'ai fait avec les chefs aussi, sauf Philippe Couillard qui a refusé de participer. Donc, je les ai pas mis au montage parce que je trouvais ça injuste d'avoir de mauvaises réponses de 3 sur 4. Mais je peux vous dire que tout le monde a des mauvaises réponses, y compris les chefs, dans la façon dont je procède, là, tu sais. Puis, il y avait aussi des réponses qui étaient aussi gênantes ou même pires que l'histoire du 75$. Donc, mais si on parle du 75$ sans arrêt, ben, c'est parce que les gens aiment ça entendre parler de ces maladresses-là, mais c'est du temps qui est grugé pendant ce temps-là sur le contenu qui, si la campagne tournait vraiment en profondeur là-dessus, ben on dira, on est trop dans les statistiques, on parle le monde, ça les intéresse pas. Fait que, tu sais, c'est comme toujours un peu perdant, dépendamment si tu fais la chose correctement, ben tu perds du monde, puis si tu as fait trop de façon superficielle, ben là, on dit, ouais, mais on n'a pas la vraie matière. À chaque fois que tu nous reviens avec ça, faut tirer des conclusions. Il faut tirer une morale de tout ça. Aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques fois que tu en fais de ces Vox Populi, quelle est la conclusion qu'on pourrait apporter à celui-là? Non, moi je fais ça pour faire rire d'abord et avant tout. Fait que je veux dire, j'en fais pas une étude scientifique ou statistique ou quoi que ce soit. Mon but, c'est, je suis un humoriste, donc c'est de faire un bon coup de pub puis de faire jaser par rapport à ma carrière humoristique. Mais si chaque individu peut s'informer un peu plus avant d'aller voter, ça c'est sûr qu'on gagnerait à ça. Mais je pense pas que c'est propre ni à notre société québécoise ni à l'époque dans laquelle on vit présentement. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, c'est universel. J'en ai fait en France des vox pop. J'en ai fait à Toronto lors de la dernière élection fédérale et les réponses sont exactement les mêmes dans la même proportion. Merci beaucoup. Même si tu ne voulais pas tirer de conclusion, elle n'est pas pire celle que tu nous as donnée. On aime l'humoriste, continue à nous faire rire. Merci, j'ai hâte d'aller vous voir. Et réfléchir, quand est-ce que tu viens? J'ai pas la date malheureusement, mais je sais que sur guinantel.com, vous allez trouver tout ce qu'il faut. À bientôt! Oui, alors guinantel.com pour aller voir quand il sera de retour en région, soit à Trois-Rivières, Shawinigan ou en Mauricie au centre du Québec. Alors, entrevue de Robert Pilote dans Midi Plus avec Guy Nantel, humoriste et amateur des Vox Populi. Alors, se déplace sur la rue pour avoir votre opinion, particulièrement dans le domaine politique. Pour réécouter cette entrevue, ça se trouve le 25 septembre dans l'émission Midi Plus sur notre site internet, le fm1069.ca. J'ai bien aimé sa morale, moi. D'étudier un petit peu avant d'aller voter, c'est pas si difficile. Je pense que oui, parce que quand tu parles à des gens qui étudient en histoire, qui ont aucune idée le nombre de personnes qui résident au Québec, des habitants du Québec, ou même ils posaient certaines questions qui étaient extrêmement faciles. Ouais. Personnellement, je trouve là, le nombre de faire des listes, évidemment, exactement. Et pourtant, les gens ne le savent pas. Mm-hmm. Alors ça prouve que on doit étudier un petit peu pour connaître notre politique. Ouais. À 13h11, on poursuit avec la prochaine entrevue. On se dirige maintenant vers l'entrevue de Catherine Gaudreau avec Marie-Mé, leur chanteuse extrêmement populaire au Québec. On le sait, on l'a connue à l'époque de Star Academy. Et après son passage justement à l'émission, elle a continué son ascension dans le domaine artistique québécois. Et les dernières années ont été très éprouvantes pour elle, notamment sa séparation avec David Saint-Gelais. Donc c'était son conjoint, mais également son collègue de travail. Le fait qu'elle n'a pas renouvelé son contrat avec Production J, avec qui elle était affiliée depuis 2003, donc depuis sa sortie d'Occupation Double. Depuis sa sortie de Star Academy, pour se tourner vers Evenco. Et en 2018, elle nous a offert un nouvel album, Elle et moi, et elle signait un peu sa renaissance après les épreuves qu'elle avait vécues. Catherine lui avait parlé en tête à tête, donc elle était en studio avec Catherine le 20 novembre dernier. Je m'en veux enchaîner au sol. On me dit que je suis folle. En fait, je croyais être forte. Je J'étais morte. En fait, j'ouvrais une autre porte. À voir comment ça se passe, la grande tournée des supplémentaires ajoutés, notamment à Québec. Les gens ne t'ont pas oublié, et ça, c'est pas surprenant. Mais bienvenue, premièrement. Bien, merci. C'est le fun de te revoir. Bienvenue en studio. Est-ce que t'étais resté avec ce doute-là quand même? À chaque fois qu'on relance quelque chose, on dit « Le monde, vont-tu me suivre encore? » Ben, en fait, pas par rapport au public, parce non. que s'il y a une chose qui est restée avec moi pendant cette pause-là, c'est les gens, je recevais beaucoup de messages, les gens me disaient de prendre mon temps, oui. Qui allaient m'attendre. Okay. Donc, ça m'aidait. Est-ce que je sentais que j'avais du travail à faire pour essayer de juste remettre les pendules à l'heure, puis essayer d'essayer de reconnecter le nom Marie-Mé à ma personnalité, parce qu'il s'est dit tellement de choses dans ouais. les dernières années qui étaient très, très loin quand même de ma réalité. Ouais. Fait que je savais qu'il y avait un travail qui était important à faire. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de, d'écrire un album qui est aussi personnel que ça. Ouais. Parce que c'était ma façon de mettre les points essayés, les bas c'était. Ouais, ça, c'est entièrement toi, cet album-là. Là. C'est, ouais. Ça peut pas être plus toi que ça. Non, c'est ça. L'écriture, c'est moi entièrement, ben, en collaboration avec la musique, là, avec le réalisateur, ouais. Bien sûr, ouais. Oliver Sum, parce que je suis pas rendue à être capable d'opérer un ordinateur. Non, mais... peut-être un jour. Mais... mais l'écriture, oui, c'est moi. Puis autant ça faisait peur au début, autant quand je l'écoute aujourd'hui, puis j'entends un album qui est sans compromis, qui est 100% moi, Colin, que ça me rend fière. Ouais. Dans les compromis à l'époque que tu avais dû faire, c'était quoi le plus difficile dans ces compromis-là? Ben en fait, quand je parle de compromis, c'est quand on fait de la coécriture avec quelqu'un, il ouais. y a toujours un endroit où on doit se rencontrer dans le milieu. Ouais. Puis c'est ce qui faisait que ma musique était exceptionnelle comme ça. Ouais. C'était la rencontre des guitares, des influences rock de Fred et de moi qui était très, très pop. Puis ça fait quand même un son signature. Fait que c'est mm-hmm. pas quelque chose de difficile, ça fait partie de la coécriture. Puis ouais. c'est ça qui fait en sorte que c'est ça, que j'avais un son distinctif. Mais aujourd'hui, c'est sûr que si je travaille plus avec quelqu'un que ces influences-là, ça donne un son différent. C'est mm-hmm. pas... Je me suis jamais même dit, ah, peut-être qu'il faudrait que j'essaie de faire quelque chose de pas pareil ou de... Non, moi, mes influences sont différentes. Donc, moi, j'ai ouais. suivi mon instinct. Fait que c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Marie-Mé, s'il s'est passé beaucoup de choses, tu sais, depuis Star Academy, c'est fou quand tu mm-hmm. regardes la suite, mais depuis 2014... T'as vécu ce que des gens vivent en 20, 25, 30 ans. Tu sais, c'est fou parce que, bon, il y a eu cette séparation-là. Ouais. Nouveau conjoint, un bébé, une séparation avec ta maison de disque, mm-hmm. producteur. C'est beaucoup, ça, depuis quelques années. Ça a-tu été, à un moment donné, oh là, wow, je suis plus capable d'en prendre. Là. Je peux comprendre pourquoi, de l'extérieur, ça pouvait avoir l'air de ça, mais ouais. de l'intérieur, c'est quand même moi qui prenais ces décisions. Absolument, oui, oui, t'as raison. fait que pour moi, c'était pas déstabilisant. Chaque fois que je faisais devant, je savais que je me rapprochais de qui je suis aujourd'hui. J'avais besoin de changement. C'est sûr qu'une rupture personnelle, moi, j'entre pas ça là-dedans parce que, bon, moi, je parle plutôt au niveau de ma carrière. Ouais. Une rupture personnelle, c'est jamais le fun. Peu importe du côté d'où on se tient de la rupture, ça fait de la peine, c'est déchirant. Ça, c'est quelque chose en soi. Mais pour le reste, oui, c'est sûr que c'est moi qui étais au devant de ça. Puis c'était ma vision. Puis, Colin, que c'est hot après presque 16 ans, dire, écoute, là, j'ai toujours été au centre de mes opérations, mais là, je deviens le capitaine de mon bateau. Ouais. Puis je décide avec qui j'ai envie de travailler, je décide de mes collaborateurs, puis je redéfinis un peu ma façon de faire les choses aussi. Ouais. Donc ça, c'est bien, bien cool. Dans les années qui vont venir, bon, on est dans le moment mm-hmm. présent, puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent, il y a la tournée et tout, et tu dis, j'ai le goût de choisir avec qui j'ai le goût de travailler. Mm-hmm. Marie-Mé, là, son rêve ultime, ce serait de travailler avec qui? Ah, oh my God! Hey, y en autant a sur tellement... la scène francophone qu'anglophone. Y a-tu quelqu'un qui t'a dit ça? Là, moi, cette personne-là, si je pouvais aller chercher 1% de ce qu'elle est... OK. Ben, ce qui est quand même assez fou, c'est que moi, j'avais une personne sur ma liste de collaborateurs avec qui je voulais travailler, puis c'était une réalisatrice que j'avais approchée il y a à peu près un an et demi pour faire cet album-là. Ouais. J'avais pas eu de nouvelles. OK. Puis elle s'appelle Alex Hope, puis elle travaille entre autres avec Troye Sivan, elle travaille avec Brood, c'est des artistes européens. Robin, c'est tous ouais. mes artistes préférés. Okay. Puis j'avais pas eu de nouvelles, puis je l'ai rencontrée sur le plateau de The Launch à Toronto, puis là, j'ai une session d'écriture avec elle en décembre. Puis pour vrai, j'en parle, j'ai des frissons, c'était ça mon but ultime. Ah, puis je fais ouais. comme, aïe, comme quoi faire de la visualisation dans la vie, là, ça vaut la peine. Puis là, j'ai la chance de travailler avec une de mes idoles. Okay. Donc ça s'approche, mais c'est important de se mettre des rêves hauts, puis ouais. d'en rajouter. Fait qu'après elle, il ouais. y en a d'autres. Oui, ben, c'est parfait. Bon, ben déjà, c'est un bel accomplissement. On le parlait tout à l'heure, cet album-là, c'est comme un peu un journal intime, et tu l'as dit toi-même. Oui, il y a eu des remises en question, il y a eu des crises existentielles, et je te partage quelque chose qui m'est arrivé récemment. On parlait de toi, ouais. on parlait de ton nouvel album et de ce qui s'est passé dans ta vie, et j'ai une jeune femme d'à peu près 16-17 ans, une jeune fille qui me disait, moi, j'ai eu dans les dernières années des remises en question, je savais pas où m'en aller, où m'enligner, et la jeune fille m'a dit ceci, ben, si Marie-Mé dans sa vie a pu se remettre en question, moi aussi, j'ai le droit de le faire. Et tu vois, parce qu'elle m'a dit, s'il y en a une qui dégageait beaucoup de confiance, et tu l'as dit à un moment donné, même ma confiance en moi a été touchée. Alors, tu vois l'influence, parfois. C'est fou, ça. Ça, tu dois en entendre des choses comme celle-là. Ah ouais, mais ça, c'est la raison pour laquelle je fais de la musique à la base. T'sais, je me souviens, là, puis c'est pas juste récent, là, la première fois que j'ai composé une chanson, je pense que j'avais 6 ans et demi, c'était juste une chanson sur le soleil, l'amour, la paix dans le monde. Puis, tu sais, le sentiment de vouloir aider les gens à travers ma musique, ça a toujours été ça, mon moteur. Puis quand j'entends ça, ben Colin, que ça me rappelle tout le temps pourquoi. Ouais. Pourquoi je fais ça. Ouais. Puis oui, en effet, tu sais, moi, j'ai appris de tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis autant c'est un album qui est super personnel, autant j'ai l'impression que c'est celui-là qui va parler au plus de gens. Mm-hmm. Parce que des remises en question, on passe toutes par là. Des crises existentielles, on en a plusieurs dans une vie. La confiance en soi, c'est pas inébranlable. Moi, je l'ai appris à mes dépens, mais Colin, ça m'a rendue plus forte aujourd'hui. Ouais. Puis quand je reçois des commentaires comme ça, je me dis, Colin, bon, ensemble, on va arriver à quelque chose. Oui, absolument. Mais comme je te dis, l'influence est là. Les gens s'identifient beaucoup à toi. Puis j'ai une jeune fille, mais il y a d'autres personnes. Mon âge est 42. Puis en effet, dans les crises existentielles, j'en ai eu. Ben ouais. T'en as eu, tout le monde. Donc, on avait l'impression que était un peu que ça pouvait pas t'arriver à toi. Penses-tu qu'il y a un peu de ça dans la réflexion des gens? C'est sûr, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, quand on montre tout le temps juste son meilleur jour, tu sais, moi, j'étais toujours en prestation. Hein. C'était même pas t'étais en un représentation désir. Tout le temps. Ben oui, c'est sûr. Puis en même temps, tu sais, il y a un poids qui vient avec mon nom, tu sais, d'être un bon modèle, de toujours avoir le bon mot à bonne place, de pas être vulgaire, de pas. Comme si, Colin, j'avais pas des bonnes valeurs dans la vie, mais à un moment donné, Colin, ça pèse sur les épaules, puis ça aseptise un peu parce que tu veux pas dépasser des lignes, jamais. Ouais. Mais ça fait en sorte que peut-être les remises en question, les insécurités, on les partage pas. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je me suis dit, comme je parlais, tout le monde en parle, j'ai l'impression que les gens ont pas la bonne image de moi, puis c'est pas de leur faute à eux, c'est parce que moi, je leur montre juste une facette à ma personnalité. Moi, je suis pas marimée, entre guillemets, à tous les instants de ma vie. Non, non. Moi, je me maquille pas dans la vie, je porte tout le temps la même affaire. Je suis insécure quand je plie une napkin parce que je suis pas sûre de comment accomplir ça, puis le couteau, on le met de quel bord, puis c'est correct à un moment donné. Oui, j'ai aimé ça parce que tu as dit que le bouchard, il est là. La bouchard en moi, elle est présente. Je parlais de cette tournée qui va t'amener, bon, évidemment, on va parler de chez nous un petit peu à Trois-Rivières, les 29 et 30 mai, à Drummondville aussi, parce que le Centre du Québec, vous nous écoutez. Grande tournée. Hier, vous avez ajouté des dates de spectacle pour Québec, plusieurs soirs à Montréal aussi. Tu vas retrouver ton monde. Ça, c'est du bonheur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Puis c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un billet argent pour 25 000 billets vendus, puis que les répétitions sont même pas commencées. C'est fou, hein? Puis pour vrai, ça, c'est le genre d'affaires qui me donne le goût de me surpasser. Puis quand les gens disent « Mon Dieu, tu sais, t'es chaud, c'est hot, c'est big », oui, mais c'est parce que les gens me poussent dans le dos, puis les gens me portent à bout de bras depuis tellement d'années, puis sont présents, je leur dois le meilleur spectacle. Fait que moi, de mon côté, j'investis dans mes shows, puis je veux leur donner de la top qualité parce que c'est rare quand même qu'un artiste peut faire une belle tournée comme ça. En musique, avec l'industrie qu'on connaît, c'est un privilège. Puis moi, je profite pas de ce privilège-là puis je veux le redonner au centuple. Alors, marimé.com, si vous voulez des dates de spectacle et tout est là-dessus. L'album s'appelle Elle et moi. Je te remercie au nom de tes fans et de tout le monde pour... Parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas eu le guts de faire le tiers de ce que tu as fait. Et ça, là-dessus, parce que c'est pas toujours évident quand on se replonge dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit. Alors, je te salue pour ça. L'album s'appelle Elle et moi, c'est réussi. Merci, Marie-Mé. Merci. Re-bienvenue en Mauricie. Belle entrevue de Catherine Gaudreau avec Marie-Mé. Alors, on le sait, Marie-Mé qui a sorti son nouvel album Elle et moi, Catherine le disait. J'ai été voir justement sur le marimé.com pour vous donner des dates de spectacle. Alors, elle va offrir 3 prestations au Centre Bell à Montréal les 14, 15 et 16 février prochains. Un concert au Centre Vidéotron à Québec le 2 mars. Et elle va être 2 soirs à la salle J.-Antonio Thompson les 29 et 30 mai prochains, donc à Trois-Rivières. Pour ceux et celles qui veulent aller la voir en spectacle, marimé.com pour obtenir des billets et le enspectacle.ca pour ce qui est de la salle J.-Antonio Thompson. 13h22, on va changer un petit peu de créneau. Après la pause, on va parler avec Katia Gagnon, la journaliste à la presse, entrevue que Robert Pilote a réalisée avec elle. Et on sait que la dernière année a été marquée par plusieurs mouvements, mobilisations, notamment le mouvement du MeToo. Et dans cet article-là qu'elle avait publié, c'était par rapport à Gilbert Rozon. Donc, elle avait, en fait, détaillé ce qui s'était passé dans l'empire du rire et l'empire, justement, de Gilbert Rozon, ce qu'il avait fait avec certaines femmes, son comportement à l'égard de certaines femmes. Et justement, on était dans un mouvement qui a été porté par la dénonciation d'hommes de pouvoir en lien avec du harcèlement et des abus sexuels. Vous allez voir que le dossier était très complet. Katia Gagnon qui va en parler avec Robert. On se joue ça dans 2 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018. Seulement au 106.9 Mauricie. Voici Raphaël Pepin. Dernière demi-heure de l'émission des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Mathieu et Raphaël qui vous accompagnent jusqu'à 14h. Un petit peu de météo pour commencer. Alors, du côté de Trois-Rivières, nuageux aujourd'hui avec 40% de probabilité d'averse de neige. Maximum plus 3 pour ce soir et cette nuit. Généralement nuageux avec des vents du sud-ouest de 20 km/h. Maximum de moins 4. Refroidissement éolien après de moins 7. Samedi, généralement nuageux avec un maximum plus 1. Dans la nuit, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige. Minimum moins 5. Et pour ce qui est de dimanche, nuageux avec 40% de probabilité... J'ai de la misère à dire probabilité, je pense. Hein? Probabilité d'averse de neige, maximum moins 6. Et dans la nuit, dégagée avec un minimum de moins 15. Pour Trois-Rivières, présentement, il fait 1. À Shawinigan, 0. Et du côté de Bécancour et la Rive-Sud, on est stable à 1. Alors, on va enchaîner tout de suite à 13h27 avec la prochaine entrevue. Entrevue de Robert Pilote avec la journaliste de la presse, Katia Gagnon. On le sait, le mouvement MeToo a été très populaire. Mm-hmm. Si je peux me permettre le terme populaire, là, en fait, a été très... tomber plusieurs personnes, je dois dire. Médiatisé, tiens. Exactement, dans l'année 2018. Et un des hommes puissants et reconnus au Québec qui est tombé grâce à ce mouvement-là, c'est le patron de l'Empire Juste pour rire, Gilbert Ozon, et la journaliste à la presse, Katia Gagnon, et sa collègue Stéphanie Vallet, signaient en date du 7 février dernier un dossier dans la presse plus qui allait mettre fin à des années d'omerta, donc entourant Gilbert Ozon. Et Robert Pilote avait reçu Mme Gagnon lors d'une entrevue le 19 février dernier pour qu'elle commente son dossier. Ça s'intitulait « La chute de l'empereur du rire ». Bonjour, Katia. Bonjour. Alors d'abord, félicitations. Hein, c'est tout un travail que vous avez fait là. Il y a une enquête en arrière de ça. On a commencé cette enquête-là, cette enquête portrait, si on peut dire, sur M. Ozon. Quand on a reçu un certain nombre de témoignages au cours de l'automne, là, dans la vague de dénonciation qui a suivi, il y a des gens qui nous ont appelés pour nous raconter des choses qui leur étaient arrivées avec M. Ozon. Et plutôt que, dans le fond, de publier ça à la pièce, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire un grand portrait avec tout ça et raconter l'ensemble du parcours de Gilbert Ozon, qui est fascinant d'une certaine façon, parce que c'est quand même un homme qui a réussi à monter de toutes pièces une entreprise extraordinaire. Mais il y a un côté sombre à ce monsieur-là et ces témoignages-là faisaient partie, dans le fond, de ce côté sombre-là. Alors, on s'y est mis, Stéphanie Vallet et moi, on a contacté 65 personnes, dans le fond, qui avaient, à divers titres, interagi avec M. Ozon, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de volets dans la vie de Gilbert Ozon. Hein. C'est un homme d'affaires, une très grande présence en France. Il était dans l'émission Les Dragons. Il a côtoyé à peu près tout ce qui bouge dans le monde culturel au Québec. On voulait donc vraiment présenter un portrait global de M. Ozon. Donc, il y a 42 personnes qui ont accepté de nous parler. Et donc, c'est ce que ça donne. Il y a le portrait là, de l'homme qui a réussi en affaires, vous l'avez dit, très médiatisé. Il y a, de l'autre côté, un personnage, ma foi, très sombre. Oui, les témoignages qu'on a reçus, certains étaient quand même assez troublants, dont l'un, dans le fond, se déroule à Québec. Tout de suite après l'histoire du manoir Roville Campbell, hein, pour les auditeurs qui s'en souviennent pas, donc en 1998, M. Ozon a été accusé et reconnu coupable d'agression sexuelle sur la personne d'une jeune femme de 19 ans lors d'une fête au manoir Roville Campbell. Et l'incident de Québec, donc, se déroule peu après cette condamnation-là, où après, bon, il disait que cet incident-là, pour lui, avait été une tape sur les doigts, que ça l'avait fait réfléchir, que ça avait été un examen de conscience. Ouais, ouais. Et est arrivé, donc, cette soirée avec deux comédiens qu'il va solliciter à la porte de leur chambre. Il y en a un d'entre eux, donc, qui nous a raconté la chose. Mais là, on est à quel endroit, Katia, là? On est à Québec. On est à Québec est dans à le Québec. Cadre okay. d'une pièce de théâtre okay. qui est présentée par Juste pour rire. Uh-huh. Et bon, toute la troupe est en bon souper le soir avec M. Ozon dans un restaurant où M. Ozon était très très disons s'est comporté de façon odieuse. Là. Ce qu'on nous décrit là, c'est il était vraiment pas fin avec tout le monde. Il se plaignait du service. Il était bruyant. Et une fois que les gens sont tous retournés à leur chambre, ben il se commet Canadien a vu, donc a entendu frappe à sa porte, est allé voir qui était là et donc il a vu M. Rozon qui était tout nu dans le corridor et qui lui faisait une proposition d'ordre sexuel assez explicite, un peu sous la forme d'un ordre. Hein? Donc, il lui disait de lui laisser entrer parce qu'il voulait, avoir une relation sexuelle avec lui. Mais comme vous dites, c'est dit dans des termes très crus. Ben oui, mais c'est ça, là, Katia, ouais, c'est ça, je me demande, vous l'avez écrit, vous autres, là. Moi, je peux pas le dire à la radio, là. Mais, écoute, ça me donne quasiment le goût de le traduire, là, mais c'est parce que ça dit ce que ça dit, en fait, là. Tu sais, est-ce que je me lance... En tout cas, il dit que il veut le prendre, OK, au plan sexuel, qu'il veut obtenir des faveurs sexuelles, puis il dit puis il donne un ordre en prenant un mot du catéchisme là, en l'occurrence tabarnak. Oui, c'est quelque chose de très cru, donc que évidemment le comédien lui était pas intéressé du tout. Là. Alors il a dit non, je veux rien savoir de toi, là, va-t'en. Donc la sollicitation a continué et ensuite ce comédien-là a vu M. Rozon se diriger vers la porte d'une autre comédienne qui elle nous a effectivement raconté exactement la même chose. Donc elle reçoit l'appel de son ami qui est dans l'autre chambre qui lui dit Gilbert Rozon, ça va frapper à ta porte, surtout n'ouvre pas. Alors, elle a un peu peur. Elle dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et cette sollicitation-là, donc, dure pendant une bonne partie de la nuit. Il cogne à sa porte aux 10-15 minutes pour dire, laisse-moi rentrer. Enfin. Donc, c'est un épisode assez troublant. Uh-huh. Évidemment, il n'y a pas personne là-dedans qui est victime d'une agression sexuelle ou quoi que ce soit. Mais c'est le comportement, ce qui a frappé ces deux personnes-là, c'est le comportement en privé de M. Rozon, où il y avait un tel contraste avec les propos qu'il tenait en public par rapport à ce qui était survenu au manoir au Vilcambon. OK. Par ailleurs, OK, c'est un gars qui a avoué dans son parcours avoir consommé de l'ecstasy. Oui, dans un livre qui a été publié en 2007 sous la plume de mon collègue Jean Beaunoyer, qui a eu très peu de retentissement à l'époque. Donc, dans ce livre-là, M. Rozon explique que... à peu près, quelque part au milieu des années 90, là, il a commencé à prendre de l'ecstasy sur une base régulière, que ça, il trouvait que ça le rendait plus productif, qu'il se trouvait plus drôle et meilleur gestionnaire avec ça, qu'il en a pris pendant un certain temps et qu'à un moment donné, il a réalisé que, ouais, non, ça y allait pas finalement et qu'il a arrêté. Bon. Là, bien sûr que son parcours s'est pas arrêté là. Plus tard, c'est un gars qui est bisexuel, ça c'est démontré dans l'enquête que vous avez fait? Mon Dieu, je ne m'avancerai pas à un jugement sur ça. Ce qu'on nous a confirmé, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qu'il y a des hommes qui leur avaient fait des propositions sexuelles. Alors, je présume que ce que vous dites est exact. OK. Parce que un peu plus tard, on l'a vu comme étant quelqu'un qui était rabaissant, homophobe. Oui, paradoxalement, dans une séance de photos qui s'est déroulée en 2015, hein, vous vous souvenez peut-être de cette campagne, c'était le principe, c'était de mettre des vedettes dans un contexte où comme s'il était un couple gay. Hein? Donc, il y avait tant des femmes que des hommes. Uh-huh. Ça a eu quand même un beau succès, cette campagne publicitaire-là, pour justement lutter contre l'homophobie. Et M. Rozon, donc, son partenaire dans cette photo-là, c'était le poète Jean-Paul Daou, qui lui est gay. Et donc M. Rozon s'est comporté encore là de façon vraiment c'était vraiment pas agréable. Le photographe décrit ça sur sa page Facebook comme un vraiment pas beau moment dans sa vie. Il dit que M. Rozon était bouli, tenait des propos homophobes. Et quand est venu le temps de prendre la photo qui était l'idée, c'était de s'embrasser, M. Rozon a vraiment été brutal avec M. Daou et qui a pas gardé un bon souvenir de ça du tout. Là. Petite dernière, Katia, pour la route. À la fin de tout ça, là, et malgré tout ce qui a été dit depuis quelques mois, puis malgré le papier que vous écrivez aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, ses sœurs et même lui, Gilbert Rozon, s'est dit victime des médias, une espèce d'acharnement médiatique sur son cas. Oui, la semaine dernière, il a comparu au palais de justice, en fait, pour une cause qui l'oppose à Québécois, un litige de nature civile sur son entreprise. Et à cette occasion-là, il a déclaré qu'il était victime d'une hystérie médiatique qui avait été jugée avant même qu'il y ait des plaintes de déposer à la police, avant même qu'il y ait des accusations de déposer. Et il a dit qu'il n'avait jamais fait l'amour avec personne sans le consentement de cette personne-là. Juste sur le premier point, sur le deuxième, ben, je vais laisser la justice évidemment se prononcer là-dessus, mais sur le premier point, il faut noter que M. Roson, tant à l'automne, quand les journalistes ont sorti les dénonciations des 9 femmes de l'automne, on a toujours offert à M. Roson, et c'est la même chose pour ce portrait-ci, toujours offert un droit de réplique. Hein? Bien sûr, quand on écrit un papier comme ça, on ne va pas écrire ça sans informer et solliciter la réponse de la personne qui est impliquée. Dans tous les cas, il a refusé. Pour le portrait, on peut comprendre puisque ces accusations, le processus judiciaire est enclenché. C'est un petit peu délicat pour lui de faire des commentaires. Par contre, à l'automne, il aurait très bien pu et on lui a offert la possibilité de commenter. Merci beaucoup. On ira lire ça pour en savoir un peu plus long. Merci beaucoup, Katia Gagnon. Beau travail. Merci à vous. Entrevue de Robert Pilote avec la journaliste de la presse, Katia Gagnon, qui revenait sur le dossier de Gilbert Roson. Elle avait signé un papier avec sa collègue Stéphanie Vallet qui s'intitulait « La chute de l'empereur du rire » en date du 7 février dernier. Un dossier dans La Presse Plus que vous pouvez retrouver qui parlait évidemment de Gilbert Roson et les allégations d'agression sexuelle ou plutôt de harcèlement sexuel qui étaient à son égard. Un sujet délicat, disons. Oui, sujet délicat. Et on va avoir un autre sujet délicat, Mathieu, pour terminer cette émission. Donc à 13h37, on s'en va en pause. Mais par la suite, entrevue de Catherine Gaudreau avec Jean-François. Jean-François nous avait livré un témoignage assez poignant sur nos ondes. Ça se passait, là, je regarde la date, le 6 septembre dernier, voilà, et c'était après que j'ai fait une chronique sur la transsexualité. Mm-hmm. Alors, j'avais parlé de la fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais qui avaient lancé des capsules pédagogiques pour aider les enfants qui s'interrogeaient sur leur identité de genre. Jean-François nous avait téléphoné, s'était confié sur l'interrogation de son fils par rapport à son identité sexuelle, son identité de genre. Ça avait donné un excellent moment et un moment très touchant. On vous fait écouter ça dans 4 minutes. Exclusivité 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Jusqu'à 14h, vous écoutez les meilleurs moments de l'année 2018 avec Raphaël Peupin. Seulement au 106.9 Mauricie. Dernier tour de piste pour cette émission spéciale des meilleurs moments du 106.9 Mauricie. On vous accompagne jusqu'à 14h et à 13h41, on va vous jouer cette dernière entrevue, entrevue très touchante de Catherine Gaudreau avec un père de famille, Jean-François. Alors, je reviens donc avec ça. En septembre dernier, j'avais parlé de la Fondation Jasmin Roy et Sophie Desmarais qui avaient lancé des capsules pédagogiques pour aider les enfants qui s'interrogeaient sur leur identité de genre et les capsules mettaient en vedette Julien. Alors, c'était une marionnette qui se questionnait à propos de son identité de genre et après en avoir parlé, on a reçu un appel de Jean-François, un père de famille. Il était justement en train de vivre le changement de sexe de son enfant et il s'est confié à Catherine Gaudreau sur nos ondes le 6 septembre dernier. Vous savez, l'une des forces de la radio quand on fait du direct, c'est d'avoir le privilège de recevoir, de recueillir des témoignages comme on s'apprête à le faire. Tout à l'heure, Raphaël nous présente sa chronique. On parle de transsexualité, de vidéos et des marionnettes. C'est pas l'instigation, mais c'est l'idée de la Fondation Jasmin Roy. Et je vous pose la question au téléphone, est-ce qu'à 5-6 ans, est-ce qu'il est trop tôt pour pas en parler, mais pour l'aborder assez sérieusement et aussi pour des gens peut-être qui le vivent à la maison? Moi, c'est là-dessus que je me questionne. Quand tu as 5-6 ans, es-tu en mesure de prendre une décision pour ton avenir, c'est-à-dire de changer de sexe? C'est pas banal. Au-delà de vos commentaires ce matin, on a quelqu'un qui accepte de nous raconter ce qu'ils vivent à la maison de façon personnelle, et j'apprécie beaucoup ça. Merci de la confiance que vous nous donnez. Jean-François est en bowling. Bonjour, Jean-François. Allô. Jean-François, de ce que j'ai compris de ce que vous avez parlé à Serge, vous êtes en plein là-dedans, est-ce que je comprends bien? Oui, effectivement. OK. Jean-François, on va repartir de la base, c'est-à-dire, donc, vous avez un enfant qui, au départ, qui est un garçon? Effectivement, et qui est aussi la double difficulté là-dedans, c'est son nez deux jumeaux. Vous avez eu des jumeaux? En plus. Oui, c'est vrai, ça, j'avais pas dit à Serge, mais oui, il y a un frère jumeau impliqué en plus dans l'histoire. OK. Donc, vous avez eu deux jumeaux, deux garçons. Mm-hmm, et là, votre enfant, l'un des deux, en fait, effectivement. Veut ou est en train de changer de sexe? Oui, c'est en plein ça. Au niveau du changement de sexe, c'est seulement parce qu'on s'est fait expliquer. On a quand même, ça a quand même déboulé pour nous beaucoup cet été. Donc, on s'est débattu pour essayer de savoir quoi faire pour la rentrée scolaire, pour être sûr de dire, bon, c'est-tu mieux qu'il rentre en garçon ou en fille? Effectivement, ils nous ont conseillé là, de le faire, que c'était mieux que ce soit une petite fille, si lui se sentait, si elle se sentait vraiment comme ça. Puis, il y a eu beaucoup d'indicateurs au cours des années qui nous disaient, ben voyons, on se posait des questions ou à la blague, on se disait, ben, le meilleur exemple, c'est on s'est marié il y a 3 ans, puis c'était la crise parce que elle voulait une robe de mariage à cette époque-là. OK, juste replacer les choses, Jean-François, mm-hmm. votre enfant a quel âge aujourd'hui? 5 ans. Et il vous parle de ça depuis combien de temps, sans vous en parler, ou les signes ont commencé quand? Plus ça va, plus qu'on en retrouve. Je te dirais, moi, facilement, là, 2 ans et demi, là, ça fait plus de 2 ans qu'on est mariés, fait que ça fait plus de 2 ans et demi là, qu'on entend parler, qu'on s'en rend compte, mais ça a toujours été, là, je pense, depuis qu'il est capable de nous indiquer ses choix qu'il veut. Là. OK, donc, vous venez de nous le dire, donc, à l'époque où vous prépariez votre mariage, lorsque vous êtes marié, votre enfant né garçon voulait porter une robe, donc, voulait être comme une fille, c'est ça? Ben, en fait, on a toujours pensé que c'était peut-être juste par goût, par ces choses-là, mais avec le temps, en faisant des démarches, en posant des questions aussi, on a des gens dans notre entourage aussi qui ont fait le changement. Puis il y a un organisme aussi en Mauricie qui s'appelle Trans-Mauricie. Mm-hmm. On les a contactés pour avoir de l'aide, mais effectivement, dans le coin, il n'y a pas vraiment d'autres cas qui peuvent nous aider, je peux dire. Vous n'avez pas beaucoup de ressources, Jean-François? Nous rassurer. Ben, on est quand même bien entouré. On a de l'aide du CLSC. Il y a une personne spécialisée aussi à la commission scolaire là, qui nous a fait des contacts quand on a contacté l'école pour les aviser que bon, on va peut-être avoir un petit changement pour la rentrée. Okay. L'école a été très ouverte. On était vraiment surpris, puis on est quand même très heureux de ce côté-là. Jean-François, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, vous nous parliez de votre mariage. Mm-hmm. Donc, il y a des premiers signes qui sont arrivés. À partir de quel moment, pour votre conjointe et vous, ça a été clair que votre enfant voulait changer? C'est-à-dire que vous avez dit, OK, c'est plus que dire je veux m'habiller, je veux porter une robe. On est plus mm-hmm. qu'à ce niveau. C'était clair pour vous à partir de quel moment? Ben, en fait, c'est au courant de l'été. L'année dernière, ils étaient à la pré-maternelle. Ils ont... C'était 2 petits gars à toute l'année. Mais au courant de l'été, on lui a laissé choisir qu'est-ce que lui voulait. Puis, plus possible. Au début, ça a commencé par des robes la nuit pour dormir, ces choses-là. Mais finalement, plus que ça allait, plus qu'il nous en demandait, puis plus qu'il voulait. Il voulait ça. Mm-hmm. Puis, c'est toujours pas facile. C'est extrêmement difficile. Mais au début, bon, on se disait, on va arrêter de le contraindre. On va voir. C'est peut-être juste une pause. Ça va peut-être que ça va arrêter là. Ouais, mais vous êtes rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, je vais dire là parce que c'est aujourd'hui, elle va à l'école en fille. Donc, vous la respectez dans ce choix-là. Jean-François, par qui vous avez été entouré? Vous nous parlez tout à l'heure de Trans-Mauricie. Mais est-ce qu'il y a des psychologues, des psychiatres? Est-ce qu'il y a du personnel médical qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné là-dedans? Ben là, on est dans le début des démarches. Je te dirais pour Mélodie, pour l'instant, elle va très, très bien. Elle est très heureuse. Je pense que je pense que je remarquais hier qu'elle a explosé. Dans le sens qu'elle semble bien, elle est heureuse. Peu importe que les gens peuvent... Le regard extérieur, elle, pour l'instant, le voit pas du tout. C'est plus nous, en tant que parents, qui le voyons. Ah oui? Donc, ce que vous nous dites, c'est que votre enfant est plus épanoui maintenant qu'elle est en fille. Elle se sent bien. Ouais, ouais. Elle ne vit pas encore, bon, évidemment, le jugement, le regard des autres. Vous nous dites tout à l'heure, c'était un jumeau. Donc, elle a un jumeau garçon. Ouais. Comment ça se passe, Jean-François, à ce niveau-là? Pour le jumeau, c'est très, très difficile. Je te dirais que ça fait peut-être un gros mois et demi que ça l'a vraiment explosé, qu'elle s'habille en fille, qu'on l'appelle Mélodie. C'était par étapes, je te dirais, au niveau de l'habillage, le nom, puis tout ça. Mm-hmm. Mais pour ce qui est de son frère, c'est très, très difficile. Il y a de la difficulté à gérer, mais bon, pour lui, on a de l'aide là, en ce moment, parce qu'on jugeait que c'était lui le plus important là à aider. OK, donc lui, après dans ça, le fond, il est... Ouais, ben non, puis je pense que vous le faites bien aussi, mais donc lui a de la misère à comprendre pourquoi, évidemment, son frère est maintenant une fille, c'est ça? Effectivement, tu sais, puis je pense qu'il y a un lien entre des jumeaux qu'on peut pas nécessairement non plus comprendre, donc c'est très complexe, effectivement. OK, et à l'école, Jean-François, ça se passe comment? Les camarades de classe, la direction, les professeurs, comment on... puis je le dis, je le dis pas avec, avec méchanceté, au contraire, mais comment on gère la situation, parce qu'il faut la gérer. Effectivement, ben on n'a pas reposé de questions, là, mais je sais qu'aujourd'hui, la personne qui s'occupe de ça à la commission scolaire va rencontrer l'école pour voir de le côté comment ça va. Ça fait quand même juste là, peut-être ça fait juste quelques jours que l'école est commencée, mais je crois que ça va quand même bien pour le moment. On n'a pas eu de déco négatif. OK. Comme parent, Jean-François, est-ce qu'on a, entre guillemets, est-ce qu'on a un deuil à faire de du garçon qu'on a eu? Ben effectivement, je pense que moi, en tout cas personnellement, peut-être pour le moment plus que ma conjointe, c'est quand même assez difficile. Oui. Par bout, là, puis tu sais, il y a des journées que ça va bien, il y a d'autres journées que ça va moins bien, donc... Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile, Jean-François? Ben, je crois que c'est... Oui, c'est la partie deuil à faire, mais c'est beaucoup plus... je pense que c'est l'inquiétude autant pour elle que pour son frère en ce moment. Mm-hmm. Donc, c'est ça. OK. Les étapes qui vont suivre, Jean-François, comme évidemment, là, vous êtes dedans. Là, c'est, vous êtes quand même au tout début du processus. Là, c'est la première fois que Mélodie, de ce que j'ai compris, rentrait à l'école en fille. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine ou les prochaines années? Tu veux parler, toi, au niveau des changements pour Mélodie? Oui, c'est ça. Est-ce que, bon, physiquement, t'sais, parce qu'elle est encore tout petite quand même, elle a 5 ans. Ouais. Donc, est-ce que pour l'instant, on laisse ça comme ça, elle va juste s'habiller en fille? Physiquement, il n'y aura pas de transformation, bien sûr. Là. Non. Physiquement, ce qu'on a pu comprendre, parce que tu sais que c'est quand même nouveau pour nous, il semble avoir, elle peut avoir des bloqueurs d'hormones à la préadolescence. Par la suite, c'est des hormones féminines jusqu'à... Ben, il y a beaucoup de suivi. À partir de, des hormones, là, il y a énormément de suivi. Il y a un centre spécialisé pour les trans à Montréal qui suit avec des psychologues et des psychiatres pour le suivi. Mm-hmm. Puis, par la suite, là, pour ce qui est du changement de sexe, c'est à 18 ans. OK, c'est à partir de 18 ans. Quand vous entendiez, puis visiblement, ça vous a même donné le goût de nous appeler. Puis Jean-François, je vous remercie encore parce que je me considère privilégié que vous fassiez ça ce matin. Je pense que vous éclairez des gens, dont moi-même, je vous le disais. J'étais perplexe tout à l'heure parce que je me disais, est-ce que c'est trop tôt? Quand vous entendez les vidéos, ce que la Fondation Jasmin Roy fait, pour vous, c'est une bonne chose? Bien, je pense que je suis d'accord avec ton point, là, c'est... Je pense que l'éducation qu'on fait à nos enfants, des fois, les vidéos sont un peu stupides, je pourrais dire. Ils seront plus intelligents qu'on pense. C'est ça, hein? Je pense qu'on n'est pas obligé de le parler de cette façon-là. Je pense qu'en le parlant normalement, ils comprendraient très bien. Mais puis oui, il y a peut-être certains termes, mais je pense que en gros, je me demandais si ce serait pas possible d'avoir accès à ces vidéos-là, justement, pour le frère jumeau. Ça pourrait peut-être aider... dans son cheminement pour lui. Okay. Est-ce que je me trompe, Jean-François, ou votre inquiétude présentement, ce que je ressens, c'est que vous êtes davantage inquiet, je parle dans le moment présent, pour votre, votre garçon, le jumeau, que votre fille qui s'épanouit présentement comme fille. Est-ce que je comprends bien? Oui, effectivement. Oui, parce que lui, depuis ce temps-là, il s'est remis à faire des cauchemars. Il s'est remis, il n'en avait jamais vraiment fait, mais les nuits sont quand même difficiles pour lui. Il fait des cauchemars, il ne veut plus dormir. Et quelle est la réaction de sa sœur, qui était quand même son jumeau? Est-ce qu'elle le ressent que son frère a de la difficulté à comprendre, même si elle a 5 ans? Je pense que non. Non? Je pense qu'elle ne le voit pas. Oui, effectivement. Mais bon, le temps qu'elle comprenne, je pense que ça va être... J'espère que pour lui, ça va aller mieux, puis... Mais on essaie de faire tout ce qu'on peut là, pour l'encadrer. Mais son frère, Doran, est beaucoup plus réactif aussi. Donc, on s'en rend compte au niveau de ses dessins, au niveau de ses attitudes. Donc, on le voit qu'il y a de la colère, mais il faut aller chercher de l'aide là, pour l'encadrer. Alors, visiblement, Jean-François, en terminant, de votre côté, il y a beaucoup d'ouverture. Vous en parlez. C'est pas tabou chez vous, le sujet, parce que vous nous appelez ce matin. Est-ce que dans la famille élargie, est-ce que c'est accepté chez les amis? Avez-vous perdu des gens à cause de ça? Non. Effectivement, non. Okay. On aurait pu le croire. Puis, tu sais, nous autres, c'était clair que si c'était le cas, c'est que les gens s'éloignent, c'est leur choix rendu là. J'ai eu même beaucoup de gens autour de nous qui nous ont contactés en nous disant nous aussi, moi j'ai une cousine de mon côté, je n'étais pas au courant du tout, mais elle aussi. Mais ce qui se passe, je crois que en ce moment, c'est plus des gens qui arrivent à la puberté, dans la vingtaine, qui font la transition, qui en parlent plus. Puis c'est peut-être pas nécessairement encore arrivé au niveau préscolaire ou à cet âge-là. Mm-hmm. Puis même nous, encore aujourd'hui, des fois, on me dit, il me semble que c'est jeune, mais tous les indicateurs, tout ce qu'on a pu regarder comme documentaire, il y en a énormément qui le savaient à 3 ans, à 4 ans ou en rentrant à l'école. Pour eux, c'était clair. OK. Et c'est ce que les spécialistes, ou je ne sais pas qui vous avez consulté, mais c'est ce que les spécialistes vous disent aussi. Donc, très jeune, il y a des signes et visiblement, votre enfant n'était pas dans le bon corps. Elle se sent fille dès l'âge de 5 ans, puis même avant ça, à 2 ans et demi, vous nous dites que pour vous, c'était les premiers signes. Alors, pour vous, il n'y a pas de confusion possible par rapport à ça. Vous le souhaitez, en tout cas. Ça serait plus simple pour elle, effectivement, si c'était le cas. Ouais. Mais je crois que ça ne le sera pas. Puis c'est même si on va encore plus loin, elle parle d'avoir des bébés, elle veut... Oui. Alors voilà, résumé de la conversation entre Jean-François, père de famille, qui justement a un enfant, a un fils, qui a également une jumelle et qui souhaite re-questionner son identité de genre et peut-être changer d'identité. Alors je pense que c'est un témoignage qui était assez intéressant et que ça valait la peine donc de le rejouer dans les meilleurs moments du 106.9 Mauricie. Tous ces meilleurs moments, donc autant pour Que la Mauricie se lève que pour Midi Plus avec Catherine Gaudreau et Robert Pilote respectivement, vous les retrouvez sur le fm106.9.ca dans la section émissions et vous choisissez donc votre émission respective. Juste pour vous dire, match en fin de semaine des Cataractes de Shawinigan. Alors, les Voltigeurs de Drummondville vont être à Shawinigan sur le coup de 16h samedi et dimanche. C'est Shawinigan qui est contre l'Armada de Blainville, Boisbriand, sur le coup de 15h avec Steve Turcotte et Claude Boucher. Merci d'avoir été des nôtres. Mathieu Plante et Raphaël Pepin qui vous disent à la prochaine.